إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، chose dans la rue et on l'enlève à cause que par exemple ça gêne des gens ou que les gens ne tombent pas une peau de banane etc. Si on l'enlève à cause de parce que on veut le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça rentre dans l'iman. Naam, ça rentre dans l'iman d'enlever des choses de la rue pour que les gens soient pas gênés, ne tombent pas etc. Ensuite a dit le prophète alayhi salatu wassalam, wal haya'u shu'ba min iman. Il a dit, et la pudeur, le fait d'avoir honte, ça rentre aussi dans l'iman. Ça rentre aussi dans l'iman. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu quelqu'un, une fois, qui était en train de, yani, de dire à quelqu'un pourquoi tu es très honteux, pourquoi tu as honte, pourquoi ceci, voilà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, laisse-le, laisse-le. Inna al-haya'a min iman. Laisse-le. La honte, elle dit, ou la pudeur qu'il a, c'est de l'iman, ça vient de l'iman. Vous voyez que plus on n'a pas d'iman, plus on n'a pas honte. On n'a pas honte, on se déshabille, on fait n'importe quoi, on dit n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas d'iman. Plus on a d'iman dans le cœur, plus on veut s'habiller, plus on ne veut pas se montrer, plus on ne dit pas les choses que l'Allah n'aime pas, etc. Il a dit, et de l'iman, entre autres, ce qu'il y a dans l'iman, l'iman bima wasafa bihi nafsah. Yani, croire en ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit. Croire en ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit. Car Allah azzawajal s'est décrit dans son livre. Allah azzawajal s'est décrit dans son livre. Et c'est pour ça qu'il a dit, donc ça fait partie de l'iman de croire en ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est décrit. Et là, ça fait aussi partie de l'iman. في كتابه وبما وصف به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. Et ça rentre aussi dans l'iman de croire en les choses que le prophète صلى الله عليه وسلم lui-même a décrit Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que vous savez que personne ne peut connaître Allah subhanahu wa ta'ala mieux que lui-même subhanahu wa ta'ala. Ensuite en deuxième position, personne ne peut connaître Allah subhanahu wa ta'ala comme le connaît son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que c'est le plus rapproché de lui. Donc personne ne peut le connaître comme le connaît son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a commencé à expliquer. Il a dit, min al-iman, il a dit, min huna li-tab'ir. Min huna, ça veut dire que ça fait partie de l'iman. C'est pas tout l'iman. L'iman, c'est comme a dit le prophète alayhi wa sallam, 60, plus de 70, il y a un groupe ou la branche ou la shu'ba. Il a dit, mais ça rentre dans ces 75 ou la 76 ou là, ça rentre quoi? Il y a ce qu'on vient de citer. C'est-à-dire que ça rentre la croyance en les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses fatihs, il y a comment il s'est décrit dans le Coran et dans la Sunna. Il a dit, et voilà que dhakarna, أن الإيمان بالله يتضمن أربعة أمور. Il a dit, et on a dit, une fois, que la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala inclut quatre choses. Et ces quatre choses, si vous vous rappelez bien, on les a expliquées. أولا, الإيمان بوجوده. Premièrement, croire en son existence. Croire en son existence. En fait, celui qui ne croit pas que Allah subhanahu wa ta'ala existe, il n'y a pas de différence que celui-là, c'est un kafir. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala n'existe pas. Il n'y a pas de différence, Inch'Allah Ta'ala, que c'est un kafir. Deuxième des choses, l'iman binfiradihi birrububia. Croire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est, yani, croire en son, ou en sa seigneurie. Croire en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que c'est lui le seul, yani, Rabb. C'est lui le seigneur. Le seul. Ou croire en sa seigneurie. Ça, on a parlé avec beaucoup de détails en cela. On a dit qu'est-ce que ça veut dire la seigneurie. Et peut-être, inshallah ta'ala, ça va venir aussi. Troisièmement, croire en sa divinité et, yani, son adoration. Ça s'appelle Tawhid, Tawhid Uluhiya, ou l'Ilahiya, ou l'Ibada. C'est le Tawhid de l'adoration. Parce que la différence entre le premier Tawhid, le Tawhid de la Seigneur, Tawhid al-Rububiya, et Tawhid Uluhiya, le Tawhid de l'adoration, la différence, c'est le premier, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, on fait son Tawhid avec ses actes. C'est lui le Créateur, c'est lui, yani, l'Adi Yirzuquna, c'est lui qui nous donne des biens, c'est lui qui nous fait vivre, c'est lui qui va nous mourir. Hada, c'est croire, faire le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala de par ses actes. C'est lui qui fait les choses, c'est lui qui fait. Maintenant, tawhid al-uluhiyya, le tawhid de l'adoration, c'est faire le tawhid d'Allah de par nos actes. C'est nous qui ne prions que à Allah. Et nous qui n'égorgeons que pour le visage d'Allah. C'est nous qui, yani, on fait le dua que pour Allah subhanahu wa ta'ala. On fait le tawakkul que pour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la différence entre tawhid rububiyya, le tawhid de la seigneurie et le tawhid de l'adoration. Et quatrièmement, il a dit tawhid al-asma wa sifat. Tawhid al-asma wa sifat. L'unification, l'unicité de l'asma, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs. Donc, on en a parlé avec beaucoup de détails. Et ça viendra encore beaucoup de fois, avec des détails aussi, inshallah ta'ala. Ensuite, il a dit, wa qawluhu, c'est-à-dire lorsqu'Ibn Taymiyyah a dit, bima wasafa bihi nafsan fi kitabih, il a dit, lorsqu'Ibn Taymiyyah a dit, on doit croire en ce que Allah Azza wa Jalla s'est décrit dans le Coran, il a dit, on doit ajouter, on devrait ajouter, non seulement avec yani quoi il s'est décrit, mais encore, on doit ajouter avec quoi aussi il s'est appelé. Naam, parce que l'Azza wa Jal a des attributs et il a des noms. Par exemple, chaque personne a des attributs. Cette personne est grande de taille, l'autre est petite. Celle-là a les cheveux noirs, l'autre les cheveux blancs. Cette personne a les yeux bleus, l'autre les yeux noirs. Elle a des descriptions, des attributs. L'Azza wa Jal a aussi des attributs. Plus on connaît ses attributs, plus on l'aime. Il est Rafour, il est Rahim, il est Wadoud, il est Shakur. Tout ça, ce sont des attributs à lui. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il a quoi? Il a aussi des noms. Il a des noms. Des noms, c'est ce que je viens de dire. Il est Rafour, il est Rahim, il est Kada. Mais les attributs, c'est fait. Par exemple, si on dit Allah Azza wa Jal, il est Rafour, ça veut dire, il a quoi? Il a le Mughfira. Si on dit il est Rahim, il a Rahma. Donc, il a la Rahma. Si on dit il est Jamil, il est beau, donc il a la beauté. Si on dit il est, yani, on lui donne un nom, ça veut dire il a un attribut. Parce que chaque nom contient un attribut. Et je disais, plus on connaît Allah Azza wa Jal avec ses noms et ses attributs, plus on aime subhanahu wa Azza wa Jal. Et plus on connaît moins ses noms et ses attributs, ça devient, astaghfirullah, c'est comme si on adorait, yani, Adam, on adorait le néant. Certains gens ne connaissent rien des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'ils ne peuvent même pas décrire Allah subhanahu wa ta'ala, yani, à part que le plus connu, il dit yani, Ghafour, Rahim, ça s'arrête là. Mais beaucoup, l'Azul a beaucoup, yani, beaucoup d'attributs et de noms qu'ils ne connaissent pas mal, SF. Non, qu'ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas que l'Azul, par exemple, Ya'jab, s'étonne, que l'Azul Yadhak, Zi, que l'Azul Yenzil, que l'Azul. Il y a beaucoup de choses comme celle-là, ils ne les connaissent pas mal à ça. Moi, j'ai dit, plus on connaît ces choses, les noms, les attributs, et plus on connaît Allah subhanahu wa ta'ala, et par conséquent, plus on aime Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit, lorsqu'il a dit, fi kitabih, l'iman bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih, on doit croire en ce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est décrit, il a dit, في كتابه. Il a dit, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah, a dit, في كتابه, c'est le Coran. Yani, on voit dans le Coran, comme Allah subhanahu wa ta'ala, c'est décrit dans le Coran. Il a dit, وَسَمَّهُ اللَّهُ كِتَابًا لِأَنَّهُ مَكْتُوب فِي اللُّحِ الْمَحْفُوظِ وَمَكْتُوب فِي الصُّحُفِ الَّتِ بِأَيْدِ السَّفَرَا كِرَامِ الْبَرَرَا. Allah Azza wa Jal a appelé le Coran. Il a appelé Kitaban, Kitabun Anzalna Ilayk. Pourquoi? Il a appelé Kitab, livre. Parce qu'il est écrit. Il y a le mot en arabe, le verbe Kataba. Kataba, écrire. Kataba, Iktubu. Donc, il a appelé Kitaban. Il a dit parce qu'il est écrit dans la table préservée. Il est écrit dans la table préservée. Lawh al-Mahfouz. Et il est écrit aussi sur les feuillets des anges. Hein, les anges qui yani, descendent avec yani, le Coran, il est dans la table préservée. Ensuite, vous savez que Jibril alayhi salam va là-bas, à la table préservée, et fait descendre le Coran. Il a dit ici, et il est aussi écrit chez certains anges, avec yani, dans leurs feuillets. وَمَكْتُوبْ كَذَلِكَ بَيْنَ النَّاسِ. Il est écrit aussi parmi les gens. يَكْتُوبُونَ فِي الْمَصَحِفِ. Quand ils écrivent, quand les gens écrivent le Coran, ensuite ils l'impriment. On doit d'abord l'écrire, soit avec la main, soit avec un ordinateur, mais on écrit. Yani, il est مكتوب, il est écrit le Coran. Il a dit وَأَضَافَهُ إِلَى اللَّهِ. وَأَضَافَهُ إِلَى اللَّهِ. C'est-à-dire que Ibn Taymiyyah a dit إِكِتَابِهِ. C'est-à-dire كِتَاب Allah. Le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit pourquoi? Il a dit parce que le Coran, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que les ulama disent, quand tu veux parler à Allah subhanahu wa ta'ala, tu veux lui parler, rentre dans la salat. Et quand tu veux que Allah azza wa jalla te parle, prends le Coran et lis. Naam, toi quand tu lis le Coran, en fin de compte, qui est en train de te parler? Qu'est-ce qu'il dit? Ya ayyuha alladhina amanu. Ici, qu'est-ce qui t'a dit que le vendredi part à la mosquée, etc. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de te parler. Donc si tu veux que Allah te parle, prends le Coran. C'est pour ça que si tu prends le Coran pour le lire avec cette intention, avant d'ouvrir le livre, tu te dis, je vais voir ce que Allah va me dire. Si tu commences à lire, tu trouves qu'il est en train de te parler. Tu vas trouver beaucoup de concentration et même khushu' dans ton cœur. Et tu lis comme ça, yani, sans cette intention, yani, je lis comme ça parce qu'il faut lire et tout, yani, bien sûr, il n'y aura pas beaucoup de concentration. Et si tu veux parler à Allah subhanahu wa ta'ala, tu rentres dans la salat. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَجْدُ. Il a dit, la position la plus, pour être le plus près d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quand tu te prosternes. Naam, quand tu te prosternes. C'est pour ça que c'est étonnant que beaucoup d'hommes, quand ils se prosternent, ne restent pas longtemps dans la prosternation. Yani, c'est comme si la salat, c'était un fardeau dont ils veulent s'en débarrasser. Yani, il fait vite dans la prosternation. Pourquoi? Parce qu'il dit comme ça, sans couche, c'est une habitude, c'est tout. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, je vous ai dit une fois, quand il faisait la prosternation, des fois, ceux qui étaient derrière levaient la tête pour voir ce qui s'est passé, tellement il est resté longuement. Certains se disent peut-être la salat s'est terminée et peut-être j'étais distrait. Ou bien certains disent peut-être que le prophète al-Islam est mort. Je ne sais pas. Il n'a pas relevé la tête. Ceux qui relèvent la tête pour voir ce qui s'est passé, ils le trouvent toujours prosterné. Sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Parce que quand il se prosterne, il met dans son cœur quoi? Qu'il est maintenant le plus près possible d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand on est plus près de quelqu'un qu'on aime, c'est sûr qu'on voudrait rester beaucoup avec lui et par conséquent parler beaucoup avec lui. Naam. Imaginez quand on vous donne l'occasion de rentrer par exemple pour parler au président de la République. On vous donne cette occasion une fois dans la vie, je ne sais pas si vous l'avez. Ensuite, si tu l'as un quart d'heure ou pas plus. Pendant ce quart d'heure, est-ce qu'on va se taire ou là on va parler? On va parler au maximum. Demander des choses qu'on veut, etc., etc. Donc, quand on sait qu'on est près de quelqu'un, on profite pour faire des doigts et pour lui demander des choses, etc. Et comme j'ai dit, le Coran, c'est kalamullah haqiqatan. On ne dit pas comme Mu'tazila et les autres. Nous, on dit le Coran, Kalam Allah Azza wa Jal, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, une parole yani, véridique, avec des lettres. Des lettres, là, quand il parle avec des lettres. Comme moi, je dis par exemple, livre. L-I-V-R-E. Là, quand il parle, Jibril alayhi salam, il l'entend. Il entend des lettres et un son. Comme vous m'entendez maintenant, il y a un son qui vous arrive. C'est pas comme disent l'Ash'ari et les autres. Ils disent c'est quelque chose comme ça, yani, ma'nawi. Yani, ibara al-kalam. Ils disent, oh, ma'na al-kalam. Ils disent c'est pas quelque chose qu'on peut entendre. Ils disent non. C'est quelque chose qu'on ne peut pas entendre, c'est ma'nawi, ni voir. Si ça, quand Allah Azza wa Jalla a descendu sa parole dans le Coran, yani en arabe, c'est le Coran. Quand il a descendu, Bil-Ibriya, c'est la Torah. Quand il a descendu avec la langue syrienne, c'est l'évangile. Il a dit, mais ce n'est pas des paroles comme ça qui s'entendent et hurouf. Ceux-là, bien sûr, ce sont des égarés. On dit nous, on dit non, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle s'entend et il y a des lettres et des sons. Et Jibril entendait Allah subhanahu wa ta'ala parler et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a parlé, a entendu de lui quand il m'a dit, il dit à ta nation qu'il doit faire 50 prières. 50. Ensuite, il est monté la deuxième fois, il l'a fait descendre à 25 et comme ça. Donc, l'azul parle, yani, hakikatan, véridiquement. C'est pas comme disent les autres que c'est quelque chose, yani, qu'on comprend pas, etc. Bien sûr, sur la parole d'Allah, qui est un attribut de l'essence, et un attribut de l'acte. C'est pas d'être ou c'est pas faire l'IA. Ça, on l'a bien expliqué quand on a parlé de la parole d'Allah avec beaucoup de détails. C'est pour ça que on laisse peut-être que ça va venir, Inch'Allah, la prochaine fois. On a montré un secte par rapport à la parole d'Allah, etc. Maintenant, il a dit, il y a certains points, 5 ou 6. Awalan. Anna min imani billahi, l'imana bima wasafa bihi nafsa. Anna min imani billahi, l'imana bima wasafa bihi nafsa. Deux, ça rentre de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala, ça rentre quoi? Ça rentre la croyance dans la façon dont il s'est décrit, comme j'ai dit tout à l'heure. Ça rentre à l'intérieur de l'iman. Ça rentre quoi? La façon dont il s'est décrit. Il a dit, wa wujhu dhalik, en ce sens, anna l'iman billah yatadhamman l'iman bi asma'i wa sifatih. Il a dit, il n'y a pas d'iman en Allah subhanahu wa ta'ala, sans qu'il y ait iman, de quoi? En ses noms et en ses attributs. Naam. Parce que, l'imam a dit, فَإِنَّ ذَاتَ اللَّهِ تُسَمَّ بِأَسْمَاءَ وَتُوصَفْ بِأَوْصَفْ. Il a dit, l'entité d'Allah subhanahu wa ta'ala, son essence, elle a des noms, elle est décrite avec des attributs. Naam. Elle a des noms, elle est décrite avec des attributs. Est-ce que c'est possible, par exemple, de parler de quelqu'un et on ne peut pas le décrire. On dit il n'a pas de description. Il n'a rien. Il n'est ni grand, ni petit, ni gentil, ni méchant. On ne peut pas le décrire. C'est impossible. Ensuite, il n'a pas de nom. Comment il s'appelle celui-là? Je ne sais pas, il n'a pas de nom. Il n'a ni nom, ni attribut. Il a dit, Cheikh Ibn Uthaymeen, ça, en nous déjà, c'est impossible. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms et il a des attributs. Il a des noms et il a des attributs. On a dit une fois qu'il avait plus de 99 noms, qu'il avait plus de 99 noms, et on avait donné les délits. Ensuite, il a dit, وَوُجُودُ ذَاتٍ مُجَرَّدَ عَنْ أَوْصَفْ أَمْرٌ مُسْتَحِيلٌ. Il a dit, c'est impossible qu'on trouve ذَات, yani une entité comme ça, ou une essence, ça s'appelle ذَات. ذَات, sans attribut, sans nom. Comme je viens de donner un exemple, c'est impossible. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a ni nom, ni les grands, ni petits, ni noirs, ni blancs, ni... C'est impossible. Il faut qu'il ait un nom et qu'il ait quoi? Et qu'il ait aussi des attributs. Il a dit, وَقَدْ يَفْرِضُ الدِّهْنُ أَنَّهُ نَكَ ذَاتٍ مُجَرَّدَةٍ مِنْ الصِّفَاتٍ لَكِنَّ الْفَرْضَ لِتَكَ الْأَمْرِ الْوَاقِعِ. Il a dit, certes, on peut imaginer, des fois on peut imaginer, ذات, yani une essence, sans nom, sans attributs. Il a dit, mais il y a une grande différence entre ce qu'on imagine, entre le réel, et le concret qui est devant nous. Il y a une grande différence. Naam. Ce qu'on imagine dans la tête, il faut voir le réel que Cheikh Ibn Uthaymeen a dit. il est point. Imagine, mais que les elf aïn, elf sawad ou elf bayad. Dans chaque, non, il y a le son, inshallah. Et puis il imagine que cette personne a 1000 pieds. 1000 pieds. Non. Et dans chaque pied, 1000 orteils. Ensuite, dans chaque orteil, 1000 ongles. Il a dit tout ça, c'est possible. Mais est-ce que ça existe réellement? Ça n'existe pas réellement. Donc, c'est une, il faut bien faire la différence entre ce qu'on imaginer entre ce que, yani, la chose comme qu'elle est en vérité. Il y a une grande, grande différence. لهذا كان الإيمان بصفات الله عز وجل من إيمان بالله لو لم يكن من صفات الله إلا أنه موجود واجب الوجود وهذا باتفاق الناس وعلى هذا فلابد أن يكون له صفة ensuite il a dit donc conclusion c'est يعني entre autres dans ce qu'il y a de l'Iman il y a quoi et c'est très important il y a l'Iman en ses noms et en ses attributs l'Iman en ses noms et en ses attributs. Beaucoup, beaucoup de sectes maintenant de nos jours et beaucoup de musulmans ne le connaissent pas, premièrement, et il y en a plus grave qui ne veulent pas en parler de lui. Naam. On a qui disent que hada, yani ça fait des problèmes, etc. Donc il faut éviter de parler en ces choses. Naam. Et ça, ce n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce que je disais? Naam. Je disais que maintenant, il y a des cercles de nos juristes qui disent qu'il ne faut pas parler de ces choses parce que pourquoi ça, yani, ça fait ça perturbe et ça fait yani, diversion. Hein, nous, on voudrait être tous groupés, donc ne parlons pas de ces choses que l'Azawajal descend, que l'Azawajal s'étend, que l'Azawajal rit, il a des yeux, des mains. Parlons pas de ça, ça fait des problèmes. Et tous ceux qui disent comme ça ne sont pas des salafis. Naam, c'est l'un des signes. Tu connais quelqu'un qui est salafi ou il n'est pas. S'il n'aime pas parler en ces choses, et tu dis, ça fait la fitna, etc., ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'est pas salafi et qui est contre, yani, le minhaj des sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, et des tabi'in. Même contre le minhaj du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui parlait de ces choses, et qui a dit à la bergère, où se trouve Allah. Elle a dit, au-dessus des cieux. Il a dit, Allah, c'est une croyante. Quand elle lui a dit, répondu aussi que tu es son prophète. Mais maintenant, les gens n'aiment pas qu'on dise qu'on pose cette question. Où est Allah? Ils n'aiment pas. Ils disent que ça fait la fitna. Donc le prophète, d'après eux, a dit quelque chose qui fait la fitna. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas dans le vrai minhaj. Ils ne sont pas dans le vrai minhaj. Ils disent, nous, on aime être regroupés. On aime le monde. On aime être regroupés. Même si on n'est pas yani, vrai dans le minhaj. Moi je suis de la Shia, toi tu es de la Sunna, l'autre il est Mu'tazili, l'autre il est Jahmi, l'autre il est Ash'ari, l'autre il est Soufi. L'essentiel c'est, on est un groupe, masha'Allah, on est nombreux, on est 800 millions, masha'Allah. C'est comme ça qu'ils pensent. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ruta sail. Il a dit, certes vous serez nombreux, mais comme un ruta sail, vous savez l'écume, c'est comme l'écume. Quand tu vas à la mer, il y a l'écume. L'écume, qu'est-ce qu'elle fait? C'est des bulles qui partent. Des bulles, juste quelques secondes, il n'y a rien. C'est comme ça, nous, on est maintenant. On est nombreux, masha'Allah, mais la vraie aqida, on ne l'a pas. On ne la connaît pas, la vraie aqida. Ensuite, Cheikh, il a dit deuxième point. Ça, c'est premier point. Deuxième point, Anna, c'est fait Allah Azza wa Jal, min umur ghaibiyya. Il a dit, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça, c'est du domaine de l'invisible. Au monde ghaibiyya, du domaine des choses qu'on ne peut pas connaître. Donc, le devoir, notre devoir envers ces choses qu'on ne peut pas voir, envers ces choses, il a dit, puisque ces choses, des choses pareilles, on ne peut pas les connaître. Donc, il a dit, donc notre devoir, c'est d'y croire, c'est de croire en ces choses. D'après les textes. Ça veut dire, et les textes, c'est quoi? C'est le Coran et la Sunna. Pourquoi? Parce que puisque c'est des choses qu'on ne peut pas connaître. Donc, comment vais-je connaître, moi, Allah subhanahu wa ta'ala, comment il est décrit, quels sont ses noms, quels sont ses attributs? Comment vais-je connaître? Yani, si je suis intelligent, je vais arriver à le connaître. C'est pas une question d'intelligence. C'est une question de connaître le Coran et les hadiths sahih, bien sûr, qui sont vrais. Donc, ces choses-là ne se prennent que du Coran et de quoi? Et des hadiths qui sont sahih. قال الإمام أحمد إمام أحمد أبي رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه. الله عز وجل on le décrit que avec que يعني avec quoi il s'est décrit. نعم قال أو وصف وصفه به رسوله ou bien avec quoi son prophète l'a décrit صلى الله عليه وسلم. لا يتجاوز القرآن والحديث. On ne dépasse pas le Coran et la Sunna. يعني أننا لا نصف الله عز وجل إلا بما وصف به نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. C'est-à-dire que on ne doit dire ou la décrire Allah subhanahu wa ta'ala que d'après ce qu'il y a dans le Coran et d'après ce qu'il y a dans les hadiths qui sont véridiques. On ne peut pas rester comme ça et commencer à imaginer et se dire Allah est comme ça. Allah, c'est impossible. Si tu n'as pas un verset ou bien un hadith qui est avec toi sahih, même si tu es le plus intelligent, tu ne peux pas arriver au résultat. Ce n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de connaître les textes, le Coran et la Sunna. C'est pour ça que je me rappelle, moi, une fois j'étais en train de parler avec quelqu'un, en ce sens, je lui disais, Allah subhanahu wa ta'ala, il a deux mains, Allah subhanahu wa ta'ala a deux pieds, Allah subhanahu wa ta'ala a deux yeux, Allah subhanahu wa ta'ala a dix. Ensuite, je n'avais pas terminé, il m'a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a une tête, Allah subhanahu wa ta'ala a un nez. Je lui dis arrête. Qu'est-ce qu'il a compris? Il a cru que, yani, on pouvait dire des choses de ma tête. Et je disais peut-être de ma tête. Quand j'ai dit il a des yeux, il a continué lui. Il a cru que c'était comme une personne. Il m'a dit il a la tête, il a le nez. Il voulait dire autre chose. Je lui ai arrêté. Je lui ai dit non, attends, je vais t'expliquer. Quand j'ai dit moi, il a les mains, voilà le verset qu'il dit. Quand je t'ai dit il a des yeux, voilà le verset. Quand je t'ai dit il descend, voilà le hadith. Ensuite, je lui ai expliqué que des choses pareilles, on ne peut pas les connaître comme ça, yani en réfléchissant. Il faut qu'on ait un hadith ou un verset. Alhamdoulilah, il a compris que ces choses-là, on doit se baser sur les textes, sinon c'est impossible, malgré qu'on soit le plus intelligent du monde, de connaître Allah subhanahu wa ta'ala sans les textes, sans le Coran et sans la Sunna. Yani je reste comme ça chez moi, je ferme la porte, ensuite je réfléchis beaucoup, ensuite je dis, là j'ai trouvé, Allah subhanahu wa ta'ala a ceci, Allah subhanahu wa ta'ala a cela. Ça c'est impossible. Ça, c'est le plus grand égarement du monde. Ensuite, il va donner les délits. Les délits qu'on doit, dans ces choses-là, on ne doit revenir qu'au texte. Le Coran et le Hadith. C'est tout. Il a dit, Allah Azzawajal a dit, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنَا وَبَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Il a dit que Allah Azza wa Jal a dit dans ce verset, dit mon Seigneur a interdit tous les grands péchés. Ensuite, parmi les péchés, Allah Azza wa Jal a dit à la fin, et que vous disiez sur Allah ce que vous ne savez pas. Ça veut dire, Allah Azza wa Jal a parlé des grands péchés, il a dit ils sont interdits, et il a cité parmi les grands péchés l'association, yani le shirk. Ensuite, juste après le shirk, il a dit وَأَن تَقُولُوا عَلَّهِ مَا لَتَعْلَمُونَ وَأَن تَقُولُوا عَلَّهِ مَا لَتَعْلَمُونَ et que vous disiez sur Allah ce que vous ne savez pas. Donc, ça veut dire quoi? Que dire sur Allah subhanahu wa ta'ala des choses qu'on ne sait pas, c'est l'un des grands péchés. Non. C'est pour ça quand tu dis haram, tu ne sais pas que c'est haram. D'une chose, tu dis que c'est haram, tu as fait un grand péché. Pourquoi? Tu ne sais pas que c'est haram, tais-toi. Tu dis Allahu alam, demande aux ulama. Alors, ça c'est le haram et le halal. Qu'en est-il si tu parles d'Allah subhanahu wa ta'ala en son entité? En son entité, son délil. Tu dis Allah subhanahu wa ta'ala par exemple a une taille. Allah est grand de taille. Allah est petit. Allah a des ongles. Allah a ceci. Allah a des cheveux. La hawla wa la quwwata illa billah. Où est le délil? Moi je dis à peu près. Ça rentre dans les grands péchés. Pourquoi? Tu as parlé non seulement dans le din, mais tu as parlé en Allah subhanahu wa ta'ala. En son essence, son délil, son Coran et son Sunna. Et Allah Azza wa Jalla dit aussi dans le Coran, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ إِنَّ سَمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادِ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْ مُسْئُولَ. Allah Azza wa Jalla a dit, et ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Ne suis pas la chose dont tu n'as aucune connaissance, car l'ouïe, l'ouïe, la vue et le cœur, sur tout cela on sera interrogé. Tu seras interrogé sur l'ouïe, la vue et le cœur. Donc il ne faut pas dire des choses que tu ne connais pas, surtout quand c'est dans le dîme d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car en toutes ces choses, demain tu vas être interrogé. Demain là, je te dirai pourquoi tu as dit cette chose, c'est haram. Est-ce que moi j'ai dit dans le Coran c'est haram ou bien mon prophète a dit? Tu ne vas pas trouver de réponse. Là, je te dirai, tu disais que j'avais par exemple des cheveux. Où est le dalil? Est-ce que j'ai dit moi ça dans le Coran? J'ai dit dans le Sunna, il n'y a pas. Et la même chose pour ceux qui nient. Ceux qui nient. Là, Azzawajal te dira, tu disais que je n'avais pas de main. Tu diras, Sahyarbi, je disais qu'il n'avait pas de main. Là, je te dirai, pourquoi ne lisais-tu pas le Coran quand je disais, biyadei, ima khalaqtu biyadei, tu ne connaissais pas les hadiths, tu ne trouveras pas quoi dire. Tu diras, ya Allah, j'avais cru ceci, cela, il n'y a rien à croire. Moi, quand j'ai dit une chose, il faut la reconnaître et l'attester et dire que sah, Allah subhanahu wa ta'ala a dit cela. On me dit, il n'y a pas de son ici. Est-ce que il n'y a pas de son? On vient de m'écrire, il y a de son. Youssef Habjot, c'est toi qui n'as pas de son. Non. C'est l'air qui n'a pas de son. Je disais que... Non, où est-ce que j'étais? Donc, le fait de parler sur Allah subhanahu wa ta'ala, son dalil, c'est quoi? C'est quelque chose de très grave quand on parle dans le din. Surtout si on parle sur Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Allah de lui-même, yani ça devient très grave. Ensuite, il a dit, نَحْنُ لَا نُدْرِكُ مَا وَصَفَ اللَّهُ بِهِ نَعِيمَ الْجَنَّةِ مِنْ حَيْثُ الْحَقِيقَةِ بَعَ أَنَّهُ مَخْلُوقٌ. Il a dit, il a donné un exemple très bien ici, Cheikh Nassimin Allahyarhamo. Il a dit, nous, on ne connaît pas ce qu'il y a vraiment, yani, ce qu'il y a d'une façon yani, véridique, on ne connaît pas ce qu'il y a dans le paradis. On ne connaît pas ce que Allah subhanahu wa ta'ala a caché dans le paradis, ou l'a préparé pour ses serviteurs dans le paradis, yani, des délices, les délices qu'il y a dans le paradis. Il a dit, alors que le paradis lui-même, yani, est déjà créé. Ah, le paradis existe, il est déjà créé, comme l'enfer est déjà créé, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, et ces choses, elles sont écrites dans le Coran, elles sont écrites, elles ne sont pas écrites, elles sont écrites, et on ne connaît pas, on ne sait pas vraiment comment qu'elles sont. Razzawajal a dit, par exemple, que dans le Coran, par exemple, dans le paradis, il a dit, il y a fakiha, il y a les fruits, ou un nakhl, les palmiers, ou un roman, les grenades, ou un soror, il y a les lits, ou un akwab, il y a des vers, ou un hor, il y a des femmes de paradis. Ou un nakhl, là, nous délicons haqiqat hadil ashia. Et pourtant, on ne connaît pas vraiment comment ces choses sont faites. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut aller nous donner des détails en ces choses? Il ne peut pas. Soit tu lis dans le Coran qu'il y a des raisins, il y a le raisin au paradis, mais sûrement ce n'est pas le raisin, il y en a comme ce raisin. Sinon, on dira, ya Allah, il n'y a pas de différence entre le bas monde et ici, il n'y a pas grande différence. Mais il t'a fait rapprocher l'idée. C'est seulement pour te rapprocher l'idée, il a dit, il y a les raisins, il y a ce, ça, il y a des raisins, mais comment sont-ils faits? Comment? C'est pour ça qu'il y a dans certains affaires où ils disent que un seul habba, anab, je sais pas comment on dit habba anab, celle-là, yani, ils disent il faut un anoula pour la tirer. Tellement, yani, elle est grande. Yani, par exemple, habba wahda, elle peut faire manger, yani, je sais pas combien de personnes. Donc, on sait pas exactement ce qu'il y a dans le paradis, alors que ces choses sont déjà créées et ont été une grappe de raisin. Une grappe, je crois, Zanjabila, une grappe, c'est un khoud. Moi, je parle seulement habba. Pas une grappe, seulement habba. Un grain, peut-être un grain de raisin. Je ne sais pas le grain, peut-être c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Le grain, c'est, je crois, l'adam. Le grain, c'est, je crois, l'adam qu'il y a à l'intérieur. Moi, je parle habba. Donc, chaque grappe a... Non, chaque grappe a quoi? A beaucoup de dahl, vous comprenez, inshallah vous avez compris. Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. jaza'an bima kanu ya'malun. Aucune âme ne sait ce qu'on a réservé pour eux, yani pour les serviteurs qui étaient croyants et fidèles, qui étaient pieux, etc., comme réjouissance pour les yeux. Qurrati a'yun jaza'an bima kanu ya'malun. En conséquence de ce qu'ils œuvraient. Naam. Je prends seulement l'exemple de, quand je prends l'exemple par exemple de Hur al-Ayn. Quand Allah Azza wa Jalla a parlé de Hur al-Ayn, a parlé des femmes du paradis. Est-ce que quelqu'un, sans verset, sans hadith, allait savoir qu'il y avait par exemple des femmes au paradis, Hur al-Ayn, créées spécialement au paradis, qui ne sont jamais descendues dans ce bas monde, sans le Coran et la Sunna? Est-ce que quelqu'un aurait su que par exemple, comment ont été créés Hur al-Ayn, yani quelle est leur forme, et que, par exemple, à travers leur tibia, on peut voir la moelle à l'intérieur. Qu'est-ce qui savait cela, qui n'avait pas un hadith sahih? Est-ce que quelqu'un aurait su que l'homme, quand il est au paradis, il regarde Hur al-Ayn, yani quand il la regarde, elle devient quoi? Elle devient son miroir. Il se voit en elle, et elle se voit en lui. Qui aurait su, par exemple, que les femmes et Hur al-Ayn aussi, quand elles sont au paradis, avaient le même âge, toutes le même âge. Ça, on ne peut pas savoir, mais c'est écrit dans le Coran, lorsque Allah Azza wa Jalla a dit, « Ghuruban atraban ». Atraban, ça veut dire qu'elles ont toutes le même âge. Je crois que même les hommes ont tous le même âge. Mais pour les femmes, c'est écrit dans le Coran, « Ghuruban atraban ». Ensuite, quand il a dit « atraban », ça veut dire le même âge. Quand il a dit « ghuruban », il parle des femmes du paradis. Là, je les a créées d'une façon parce qu'elles, yani, elles savent se faire aimer. Elles savent attirer leurs époux. Parce qu'en fait, la femme qui attire son époux, et pas toutes les femmes savent cela. Il faut, yani, qu'elles fassent des efforts ou bien qu'elles apprennent cela. C'est un art, yani, il faut l'apprendre. Mais les femmes du paradis ont été créées spécialement, yani, elles savent cela. Elles n'ont ni lu, ni vu la télévision. Elles savent, elles ont été créées, yani elles font des choses comme ça qui savent attirer l'homme. Là, comment on a su cela, si ce n'était pas, par exemple, dans le Coran? Quand l'Azul, par exemple, a dit dans le Coran, وَكَوَعِبَ أَتْرَابًا. Kawa'ib, il est en train de parler de la poitrine de la femme du paradis, Hur al-Ayn. Il parle de sa poitrine, il dit Kawa'ib, ça veut dire que, yani, elle a une poitrine arrondie. Elle a une poitrine arrondie. Parce qu'une femme, plus elle prend de l'âge par exemple, plus sa poitrine a tendance, premièrement, à ne pas être arrondie et à descendre vers le bas. C'est pour ça que les actrices, etc., qu'est-ce qu'elles font? Elles font l'esthétique à ce niveau, pour que la poitrine soit toujours, yani, arrondie et élevée. Mais celle du paradis, la Zéodil a dit, elle a directement, yani, sa poitrine arrondie. Et elle ne descend jamais vers le bas sa poitrine. C'est pour ça que l'Azul sait que ça, c'est une yani, que les femmes aiment être comme ça, et c'est que les hommes aiment quand la femme est comme ça. J'ouvre une parenthèse, c'est pour ça que j'ai été très étonné quand j'ai lu une fois que Cheikh Ibn Uthaymeen, dans ses fatwa, dit que ce n'est pas jaiz, yani, c'est illicite à une femme de porter les vêtements intérieurs pour yani, de la poitrine, qu'on appelle communément le soutien-gorge. On m'a étonné, je me suis dit, subhanallah al-azim, je ne vois pas pourquoi yani, ceci serait interdit. Ensuite, où est le dalil? Allah yarhamou, bien sûr, il n'a pas donné de dalil, il a dit seulement, ça rentre dans la tricherie. Yani, khada, ça rentre dans la tricherie, mais tout le monde sait qu'elle ne triche pas, tout le monde sait qu'elle porte ses sous-vêtements. Tout homme sait que la femme porte ses sous-vêtements. Et un enfant de 10 ans, il sait cela, il sait que chaque femme porte ses sous-vêtements. Donc je ne vois pas comment ça peut rentrer dans la tricherie, rahimahullah ta'ala, c'est un ijtihad de lui, rahimahullah ta'ala. Ça peut rentrer dans la tricherie, les lentilles, quand on les met devant le prétendant. Mais même devant le mari, ça ne rentre pas dans la tricherie, parce que le mari sait qu'elle a mis les lentilles spécialement pour lui. Et je sais qu'il y a même certaines sœurs, d'ailleurs on me l'a dit, qui ont pris cette fatwa et qui ne mettent plus avec les vêtements et qu'ils ont, dès maintenant, yani, elles ont des problèmes yani, dans leur poitrine qui va descendre comme ça, yani, qui va, pourquoi elle ne peut pas être retenue, il n'y a rien qui la retient. Je reviens à ce que je disais, Donc, si ce n'était pas ces dalils, le Coran et les versets, le hadith, personne n'aurait su de ce qu'il y a au paradis. Et maintenant, même quand on sait, mais on n'a pas vu. Je viens de parler de Hurlain, mais je n'ai pas vu de mes yeux. Je ne sais pas exactement comment qu'elle est. J'ai une idée seulement. J'ai une idée seulement. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, yani min bab awla. Yani Allah le créateur. Si maintenant, la création, les choses qu'il a créées, on ne peut pas les connaître dans leur vraie essence. Qu'en est-il d'Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur? Comment peut-on le connaître, yani, dans sa vérité, yani, jusqu'au jour où on le voit, bien Allah azza wa jal. Ensuite, ici, il a dit, Cheikh, il a dit un autre exemple, mithal akhar. L'insan fihi ruh. Chaque personne a une âme. La yihya ila biha. Il ne peut vivre qu'avec cette âme. Lawla anna ruh fi badani ma hayya. S'il n'y avait pas cette âme dans son corps, jamais il ne serait vivant. Jamais cette personne ne serait vivante. Ensuite, il a dit, وَلَا يَسْتَطِعُ أَنْ يَصِفَ الرُّحِ. Il a dit, malgré cela, il ne peut pas, et c'est impossible pour lui, de décrire cette ruh. Naam, c'est impossible de décrire cette âme. Est-ce que quelqu'un peut nous décrire son âme? Impossible. Il la sent. Elle est là, en son intérieur. Elle est là, entre ses flancs. Il lui parle, elle lui parle. Des fois, l'insan, il se parle à lui-même, il est en train de se parler. Mais, est-ce qu'il peut, yani, la décrire? Ou lui dire comment qu'elle est? C'est impossible. Pourtant, c'est une chose, comme a dit Cheikh Ibn Othaymin, qui est là. Elle est là, yani, laisse-la coller à toi. Elle est collée à toi et tu ne peux pas nous la décrire. C'est pour ça qu'il a dit, Bayna Jimbe, Wayajuzan Idrakiha Man Harira. Il a dit, c'est une chose qui se voit. L'âme a dit, c'est une chose qui se voit. Comment qu'elle se voit? C'est-à-dire, quand on va mourir. Quand on va mourir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Anna ruh. Il a dit, c'est pour ça que quand on meurt, à la minute où il y a l'ange de la mort qui tire l'âme, il la fait sortir, il y a les autres qui la prennent de sa main, comme vous connaissez le hadith, ceux qui étaient avec lui, ils la prennent, et ils montent vers le ciel, ils font l'ascension. Quand juste ils la prennent, ils commencent à monter, vous trouvez toujours, vous trouvez celui qui est mort en train de regarder vers le ciel, qu'il soit croyant, qu'il soit kafir. Et toujours il a tendance à avoir les yeux, yani, braqués, levés vers le ciel. C'est pour ça qu'on lui ferme ses yeux. Pourquoi il regarde vers le ciel et il regarde ni à droite, ni à gauche, ni en bas? Parce qu'il est en train de voir son âme en train de monter. Yani, il est en train de voir son âme en train de monter. L'âme, il voit son âme, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne peut pas la décrire. Maintenant, même s'il veut la décrire, c'est trop tard. Ensuite, il a dit, puisqu'on termine le troisième point, il y a beaucoup de points, on termine inchallah au troisième ou au quatrième, il a dit, troisième point, أَنَّنَا لَا نَصِفُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلْ بِمَا لَمْ يَصِفْ بِهِ نَفْسَهُ. Donc, nous, on décrit Allah subhanahu wa ta'ala d'après ce qui s'est décrit dans le Coran et d'après que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit. Jamais on ajoute des choses de notre tête comme ça, par qiyas ou par autre chose. Mais on s'arrête toujours au verset et on s'arrête au hadith. On n'ajoute pas autre chose. Quatrièmement, wujub ijra an-nusus al-walida fi kitab as-sunnah ala zahiriha la nata'addaha. Quatrièmement, très important, il a dit quand Allah Azza wa Jal dit une chose dans le Coran, une chose qui est des noms d'Allah ou de ses attributs, ou que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit une chose dans le Coran, cette chose qui est, yani, fait partie des noms d'Allah Azza wa Jal ou de ses attributs, il a dit, on la laisse, yani, comme, yani, elle apparaît. Yani, on laisse le mot comme, yani, il est. C'est pas la peine de dévier son sens ou la déformer, ou la dire, par exemple, ça, faire la négation, nier. Dire ça, ce n'est pas vrai parce qu'on va rentrer dans une secte, yani, très très égale. Donc même si on déforme, c'est grave. C'est-à-dire, je dis ça, je reconnais, Allah Azza wa Jal a les mains, il a dit les mains dans le Coran, et dans beaucoup de hadiths, il a dit la main, etc. Allah Azza wa Jal a écrit la Torah avec sa main, il a créé Adam avec sa main, mais il dit, mais je dis pas la main, yani une main, mais je dis la main, ça veut dire par exemple, c'est la puissance. C'est ça la main, ce que Allah Azza wa Jal a voulu dire. On lui dit, tu as monté, tu as zept. Si c'était la puissance, là, je aurais dit la puissance. Là, je ne peux pas dire dans le Coran la puissance. Pourquoi il a choisi le mot « ma » Il a dit « la main ». Est-ce que l'Azza wa Jal, astaghfirullah, veut nous égarer? Ah, moi quand je lis « la main », je crois que c'est « la main », alors que c'est la puissance. Donc l'Azza wa Jal voudrait m'égarer avec ce Coran. La hawla wa la quwwata illa billah. L'Azza wa Jal voudrait, quoi? Il voudrait m'aider à ce que je le connaisse. Donc, il voudrait me guider. Donc, s'il a dit « la main », c'est que c'est « la main ». Seulement, ce n'est pas une main comme ma main. Voilà la différence. Sa main n'est pas comme la mienne. Mais il a une main. Il a les yeux, il a... Bien sûr, tout ça, on l'a dit en détail. Maintenant, je passe comme ça très vite. Donc, les autres, qu'est-ce qu'ils disent, par exemple, si on leur dit que Allah Azza wa Jalla a les yeux, a deux yeux? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, en fait, l'œil, c'est pas l'œil que Allah Azza wa Jalla a voulu dire, mais c'est la vue. La vue, naam. Regardez la différence entre l'œil et la vue. Ils disent, Allah Azza wa Jalla, ça veut dire voix. Mais c'est pas l'œil. Et pourtant, et si certains ne connaissent pas bien l'aqida, peut-être qu'ils vont dire ça, il n'y a pas de différence. L'œil ou la vue. On dit non, il y a une grande différence. Une très grande différence. Car quand on dit la vue, ça veut dire qu'on a nié que Allah Azza wa Jalla a un œil. C'est-à-dire qu'il voit comme ça, mais je ne sais pas comment il voit. Mais nous on dit non, Allah Azza wa Jalla a un œil. Il y a un œil et l'œil implique la vue. C'est pas il a une vue. Il a un œil et un œil et l'œil implique la vue. C'est la même chose quand il dit par exemple par exemple de l'Ghadab. Là je dis qu'il se courrouce et qu'il est courroucé contre certains gens et c'est l'Ghadab. Les autres qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire l'Ghadab. C'est pas l'Ghadab. Pourquoi c'est pas l'Ghadab? Ils vont dire parce que l'Ghadab c'est quelque chose dans le cœur, ensuite on se fait les nerfs, ensuite il y a le cœur qui commence à battre, ensuite on devient coléreux. Ils disent non, l'Azzawajal, c'est pas comme ça, c'est impossible, sinon on l'a fait ressembler aux créatures. Donc on va dire le radab, c'est quoi? On va dire le radab, ça veut dire qu'il va châtier. Il va châtier les créatures. Si l'Azzawajal yardab, ça veut dire qu'il va le châtier, c'est tout. Il va le rentrer à Jahannam ou il va lui faire des choses. C'est pas yardab. Pourquoi? Ils ont dit parce que le radab en fait ressembler à une personne. C'est la personne, les créatures qui se mettent en colère, pas Allah. Et comme ça, ils disent dans tous ces actes, subhanahu wa ta'ala, comme ils disent par exemple dans le farah, quand on parle de le farah, Allah Azza wa Jal yafrah, Allah Azza wa Jal yafrah, il est ravi, il est joyeux, par exemple qu'on fasse telle chose ou telle chose. Eux ils disent non, yafrah, c'est pas yafrah, parce que si on dit yafrah, ça veut dire, il sourit, etc. Donc on va dire, yafrah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va donner, par exemple, des hasanats. Quand on dit, fariha Allahu bika, Allah est réjoui de toi, ça veut dire qu'il va donner des hasanats. Mais on ne dit pas, yafrah, ça ne se fait pas. C'est les créatures seulement qui yafrahoun. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Naam, maintenant il reste beaucoup de choses à dire, mais je préfère arrêter ici, comme ça je préfère... À chaque fois de respecter l'heure. Il est chez moi ici 11h, il est 23h exactement. J'arrête ici, préparez vos questions, inshallah ta'ala. Subhanakallahu wa bihamdik. Shahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, haqqa hamdin. As-salatu wa salam ala rasulillah. Anna ba'd. Naam. Je voudrais dire deux ou trois choses avant de commencer, Inch'Allah ta'ala, le cours. Premièrement, en ce qui concerne les questions, j'ai beaucoup de questions dans mon courrier. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'essaie d'en liquider un peu. Il y a beaucoup de personnes à laquelle je n'ai pas encore répondu. Parce que pourquoi je suis un peu dépassé. C'est pour ça que chaque fois, je réponds. Ensuite, j'aurais voulu que beaucoup de ceux la celles qui m'ont posé les questions au courrier, qu'on les pose ici, puisque maintenant on peut envoyer aux frères et aux sœurs, et en restant anonyme. Et c'est plus vite pour moi, puisque personne ne te connaît. Quelque chose de haraj. Et tu envoies par exemple, là, je ne sais pas, celle Ortelafia qui n'a pas de point rouge, par exemple. Là, elle pose ta question tout en étant anonyme. Et je te réponds, comme ça c'est plus facile, mais il n'a pas de pour moi. Mais moi, j'essaie à chaque jour, chaque fois, de répondre, Inch'Allah ta'ala, aux questions au fur et à mesure. Ensuite, la deuxième chose, c'est que, non, des frères et des sœurs m'ont posé des questions sur le Hajj. Le Hajj. Je, à chaque fois, je dis, si la personne est là qui m'a posé la, des questions sur le Hajj, pour le groupe qui vont partir au Hajj, la réponse est prête depuis des jours. Qu'ils m'apprennent dans la salle qu'ils sont là pour que je leur réponde en ce qui concerne le Hajj. Troisième chose, en ce qui concerne. En ce qui concerne. J'allais dire quoi. En ce qui concerne le cours, en ce qui concerne le cours, vous avez remarqué que l'homme, Ammar, il a terminé le cours un peu tôt. C'est pour ça, alhamdoulilah, on a commencé yani, assez, disons, un peu tôt. Ici, c'est un peu yani, tard, mais yani, plus ou moins. Mais lundi, inshallah ta'ala, le frère Abdelmer, qui ne peut pas, parce que Ando, yani, un centre de prêche. Il commence à l'heure qu'ils veulent, eux. C'est pour ça que lundi, inshallah ta'ala, j'ai décidé que, au lieu que ça soit fiqh, je voudrais, je préfère que ça soit ahadith. Comme ça, quand vous êtes avec lui, vous n'êtes pas pressé de venir parce que je ne suis en train de, d'expliquer que des ahadith. C'est pas comme lorsque je fais le fiqh. C'est pour ça que le fiqh, je le laisse pour mercredi, inshallah ta'ala, avec le prochain dars sur la salat. Donc lundi, inshallah, prenez votre temps parce que j'explique seulement des ahadith. Car on est presque obligé de faire les deux en même temps. Mais moi, je fais seulement les hadiths. Quand vous terminez, inshallah, avec lui, vous venez dans la salle. Dernièrement, et quatrième, dernièrement, comme il y a des frères qui m'envoient yani, pour me demander s'ils peuvent aider dans la salle. Yani, ils peuvent rentrer comme admin et aider ça. Il y a aussi beaucoup de sœurs qui me demandent. Il y a beaucoup de sœurs qui me demandent yani, si elles peuvent aider ça. Moi, je ne vois pas d'inconvénient pourvu qu'il n'y ait pas yani, de recours. Pourvu que ça soit bien organisé. Sinon, je ne vois pas d'inconvénient. Comme je donne à R, je lui donne l'admin, je donne à une sœur. Pourquoi ? Il n'y a pas de différence. Donc, celles qui veulent être sera, je leur donne, inshallah ta'ala. Mais, yani, je vais dire que. Comment je veux dire ? Yani, ça sera organisé. Par exemple, chaque semaine, deux ou la Agda, pour qu'il n'y ait pas plus de, par exemple, 5, 6, 7 qui gèrent dans la salle, ça devient yani, perturbant à la fin. Nabda, inshallah ta'ala, on commence par les frères et les sœurs qui ont reçu les questions. Si quelqu'un a reçu une question, qu'il l'affiche, bi'inna azza wa jal. On commence. Abou Elias, tfadal, si tu as une question. Si on t'a envoyé une question, tfadal. Sinon, une des sœurs, inshallah ta'ala. Naam. Naam. Wasmo. La question n'a pas de rapport avec le cours. La question n'a pas de rapport avec le cours. Et vous savez la règle, on commence avec les questions qui ont rapport avec le cours Bin Azawji. Mais spécialement pour cela, celui-là, je vais répondre. S'il y a un frère imam qui fait, des ruqya, sharia, fait des ruqya chez moi à la maison, à Bin Junoun. Y a-t-il un risque que moi, à mon tour, je sois en jour, ou qu'un djinn reste dans la maison et qu'il me fasse du mal pour se venger? Quelles sont les affaires? Quelles sont les affaires à ne pas faire pour les ruqya dans la clause? Non, pour la ruqya, quand on fait venir quelqu'un pour faire la ruqya à la maison, yani, on doit éloigner les femmes et les enfants. Parce que les femmes et les enfants, yani, et ce sont les cibles les plus préférées du djinn. Ce sont les cibles les plus préférées du djinn. Et quand quelqu'un, inshallah ta'ala, est bien vacciné, il n'a pas peur bin na'za wa djinn. Il n'a pas peur bin na'za wa djinn. Mais de préférence, quand on fait la ruqya, on va chez quelqu'un, chez le malade. On va chez le malade lui-même pour lui faire la ruqya là où il est. Pourquoi? Parce que quand on fait venir le malade dans une autre maison, il est possible que le djinn ne vienne pas avec lui. Non, le djinn ne vient pas. Il reste dans l'autre maison. Alors tu vas aller toute la nuit, tu ne vas rien trouver. Sauf de préférence, on va au malade où il se trouve. Car des fois, le djinn se trouve dans deux ou trois personnes en même temps et il joue. Une fois il est là, une fois il est là-bas. Une fois il est là, une fois il est là-bas. Une fois, je me souviens, j'ai lu sur une fille qui était... On était dans une chambre, on n'était pas seul. Il y avait son frère, etc. Je lisais sur elle. Alors que sa mère, qui était dans l'autre chambre ou dans la cuisine, elle a commencé à crier, elle est tombée évanouie. Donc le djinn était où? Chez sa mère là-bas, il n'était pas chez la fille. Et ils n'ont jamais su avant cela que le djinn était chez sa mère et que yani, sa vraie place était chez sa mère. Mais il ennuyait la fille, il faisait des problèmes. Mais ce n'était pas elle qui était de genoux là, c'est sa mère. Donc il faut aller dans l'appartement où il y a le malade. La prochaine question, inshallah, tfaddal. Muslim 86, tfaddal. Non. C'est moi, je n'ai pas compris. C'est moi. Salam, je n'ai pas compris dans la room Gérane. La room Gérane, elle dit, je n'ai pas compris où est-ce qu'elle est. Je ne vois pas. Si tu parles de la salle, elle dit, tu ne peux pas écrire. Si tu parles de la salle, elle dit, voilà. Tu ne peux pas écrire parce que tu as un point rouge. Tu ne peux pas écrire. Et si tu parles d'autre salle, je n'ai pas compris. Non, tu ne peux pas écrire parce que tu as un point rouge, c'est moi. Il faut que je t'enlève le point rouge. Hein? Un frère pose, le soutien-gorge est-il haram? Je viens de dire que Cheikh Ben Outaymin rahmatullah a dit qu'il n'était pas permis de le mettre. Et j'ai dit que c'est une fatwa yani, assez bizarre. Pourquoi? Parce que tout en étant un grand alim, bien sûr, mais il n'a pas donné le délit. Il a dit le délit, c'est la duperie. Yani, on dupe les gens. On dupe les gens. Mais yani, je ne connais pas un autre alim qui a dit que ce sous-vêtement est haram. Donc, quand on est salafi, on aime tous les ulamas et on marche avec le délil. On marche avec quiconque des ulamas donne un délil, on le prend. Si un alim ne donne pas un délil, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est contre toutes les personnes tant qu'il ne donne pas un délil. C'est pour ça que Cheikh Ibn Rajab al-Rahmou, vous avez remarqué que je l'aime beaucoup et que je ne cite que ces fatwas, lui et Cheikh Al-Albani. Mais quand l'un des deux ne me donne pas un délil, je ne suis pas obligé de prendre. Je ne suis pas, car ça rentre, ça devient du ressort de l'ijtihad. C'est-à-dire, lui, il a fait un ijtihad, il a dit c'est la duperie. Beaucoup d'autres ulama n'ont pas dit cela, n'ont pas dit c'est de la duperie. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Quand les règles de la femme se finissent en milieu de journée, doit-elle rattraper les autres par là, par exemple, quand c'est d'or. Le milieu de la journée, je ne sais pas c'est quelle heure chez vous. Le milieu de la journée, je ne sais pas c'est quelle heure chez vous. Quand une femme se purifie de ses règles, au milieu de la journée, au milieu, je ne sais pas, avant le asr, elle fait le dhuhr. Naam. Elle se purifie avant le asr, ça veut dire qu'elle est en plein dhuhr. Donc elle doit faire le dhuhr. Et si elle se purifie avant le maghrib, elle fait le maghrib et le asr. Si elle se purifie, naam, avant l'isha, elle fait l'Isha et le Maghreb. Et si elle se purifie avant le Maghreb, elle fait le Asr et le Dhar. Voilà. Inch'Allah ta'ala. Abu Abdelrahim, tafaddal. Bon, khallina Abu Abdelrahim, parce qu'il n'est pas là. Abu Maryam, tafaddal. Abu Maryam. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. S'il vous plaît, comment répondre aux gens qui disent que Allah Azza wa Jalla se trouve partout, les déterrés, et nous dit qu'il permet de prier derrière eux, barakallahu fikoum. Quand il y a un autre imam et une mosquée qui n'est pas assez loin, et de préférence tu pries derrière quelqu'un qui dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône et qui ne dit pas il est partout. Mais si tu n'as pas de mosquée, sauf celle-là, tu fais la prière derrière lui, parce qu'il est muta'awil. Muta'awil, ça veut dire qu'il a lu des livres comme ça, il a entendu des gens parler, il croit qu'il est dans le vrai. Il croit qu'il est dans le vrai. Mais, pour répondre à quelqu'un qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala est partout, bidatihi, premièrement, c'est pas sûr qu'il va entendre ce que tu vas lui dire, mais et tu lui dis par exemple que qu'est-ce qu'on fait des versets qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala mastawa 'ala l'arsh. Que dis-tu des versets qui disent que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre le Coran, a fait descendre les anges, Pourquoi il dit que le kalim al-tayyibu, l'amal al-salihu yarfa'u. Il est yas'ad au kalim al-tayyib, il est yas'ad. Yas'ad, il y a la montée de bonnes paroles, il y a la montée des anges. Tu lui dis pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi il a fait l'ascension, le mi'raj. Limada araja il a rabbi. Limada, il a kan Allah fi kulli makan, limada sa'adi le sama. Tu lui dis que, non, il y a beaucoup de délits, bien sûr. Tu lui dis que, encore, pourquoi quand on fait les doigts, pourquoi on lève les mains vers le haut, vers le ciel? Pourquoi on ne lève pas les mains par, à droite, à gauche, etc. Tout le monde lève ses mains vers le ciel. Et il y a beaucoup de délits, bien sûr, qui disent que, et tu lui dis ça, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala est partout bidaté, ça veut dire qu'il est dans le ventre des âmes. Et il est, astaghfirullah, dans les toilettes. Et il est dans les parties intimes des gens. Wala hawla wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Mais Allah Azza wa Jal huwa al-a'la. Al-a'la. Et il y a bien sûr, j'ai fait un dars spécialement en ce qui concerne cet attribut. Et j'en ferai, inshallah ta'ala, aussi d'autres. Mais parler avec des gens comme cela, faire le niqash avec eux, ça n'avance à rien. Si c'est quelqu'un qui aime entendre, qui aime la vérité, tu lui donnes les délits qu'il y a dans le Coran et les hadiths, tu lui lis les rasa'il et les livres qu'ont écrit les ulama, il va suivre. Mais si c'est quelqu'un qui aime le djidal, etc., quelqu'un d'égaré, tu perds ton temps avec lui. Toi, inshallah ta'ala, tu n'es pas imam. Alhamdulillah, tu n'es pas imam. Alhamdulillah, na'am. Il fait seulement la prière. Na'am, si vous pouvez faire de sorte que quelqu'un d'autre fasse la prière, vous faites, si vous pouvez. Sans faire la fitna. Si sans faire la fitna, vous pouvez faire avancer un autre que lui, vous avancez l'autre. S'il n'y a pas de fitna, ni la police, ni la prison. Vous pouvez, faites-le et ne le laissez pas avancer. Si vous pouvez sans fitna, je dis bien le mot fitna. Si c'est quelqu'un qui n'a pas de valeur, on peut se pousser vers l'arrière et avancer un autre, on avance le vrai, le seul, le fils d'Ibn Azzawajal. والله سبحانه وتعالى أعلم. نسويه إن شاء الله. يرجع أبو عبد الرحيم. tu es là ou tu n'es pas là? dernière fois. bon. le chat noir. تفضل. pose la question. le chat noir. تفضل. c'est certainement nous éprouvons pour ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقتل من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. La question, est-ce que la diminution des personnes correspond à un homme qui n'est pas marié parce qu'il ne peut pas, pour des enfants halal et non par passion, pour savoir si ça concerne quelqu'un? Je répète la question, je n'ai pas compris. Est-ce que la diminution de personnes correspond à un homme qui n'est pas marié parce qu'il ne peut pas, pour des raisons de halal et non pas par passion, pour savoir si sa passion correspond à un homme? J'ai pas bien compris la question. Allah a dit dans le Coran, nous allons faire des épreuves. Parmi ces épreuves, c'est quoi? C'est que certaines personnes, vous allez les perdre. Quelqu'un, il y a son père qui meurt, son fils, sa femme, ses enfants. Il a dit, et tout ça, et les fruits aussi, bien sûr, les fruits. Quelqu'un qui a les jardins, etc., ils vont être brûlés, etc. Il a dit tout ça, ça rentre dans le quoi? Dans les épreuves. Dans les épreuves. Et, Béchir Sabirin. Mais ta question, je n'ai pas compris. Est-ce que la diminution de personnes correspond à un homme qui n'est pas marié parce qu'il ne peut pas, pour des raisons halal, et non pas par passion? Pour savoir si sa passion s'est récompensée. Est-ce que tu veux dire une personne pour le mot d'une personne comme une femme. Ah, naam. C'est pas ça le sens, j'ai compris. C'est pas ça le sens de la ayah. C'est pas ça le sens de la verset. Du verset, pardon. Le sens du verset, c'est que, il y a des gens qui vont mourir. Il y a des gens, il y a certains gens qu'on aime, etc., et qui vont mourir. Mais quelqu'un qui, par exemple, n'a pas les moyens de se marier ou là, celui-là, il rentre dans les autres versets. Dans les autres versets, où il lui dit que, yani, il doit patienter tout ça, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand Allah azza wa jal veut qu'une personne se marie, personne ne peut entraver ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala. Personne. Si tous les gens, plus les djinns, vont se mettre d'accord pour empêcher quelqu'un de se marier avec une femme, il ne peut pas. Pourquoi? Parce qu'avant qu'ils se marient en bas, ils se sont mariés déjà en haut. Allah azza wa jal a écrit 50 000 ans avant de nous créer, que X sera marié avec tel, et auront tel et tel enfant. Donc personne ne peut empêcher ici quelqu'un pour se marier. Mais s'il ne se marie pas, yani, c'est que peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala yani, lui a pas voulu cela pour des sagesses que lui connaît. Ou bien parce qu'il sait que cette personne si elle se marie, elle va avoir beaucoup de problèmes ou là, ceci, cela. Mais, inshallah ta'ala, quiconque veut se marier, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que Allah Azza wa Jalla l'aidera. Allah Azza wa Jalla aide trois. Le Mujahid, celui qui veut payer ses dettes, et celui qui a l'intention de se marier. Cela, les trois, Allah Azza wa Jalla l'aidera. Donc, Inch'Allah Ta'ala, un peu de patience, Inch'Allah Ta'ala, les portes s'ouvriront. Je connais une femme qui s'est mariée à peu près à 45 ans. 45 ans, là, elle est qui va la vouloir. À 45 ans, là. Mais à 45 ans, c'est une femme, Inch'Allah Ta'ala, pieuse, Masha'Allah. Toutes ses sœurs se sont mariées, sauf elle et celle qui est avant elle. Et maintenant, elle s'est mariée, Masha'Allah, elle est avec son mari, sauf elle est une femme. Alors que l'homme, à 60 ans, il peut se marier, l'homme. C'est pas comme la femme. Mais elle est 45 ans, elle n'a pas. Parce que là, j'ai dit 45 ans, je crois, 48 ans ou les 50. Non, 48 ans ou les 50. Parce qu'elle est plus âgée que moi. Et elle s'est mariée quand Allah a voulu qu'elle se marie. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Bint Hashmi. Non, juste après Bint Hashmi, il passe à Abu Ibrahim. Moi aussi, il est d'abord. Abu Ibrahim, non. Juste après elle, Inch'Allah ta'ala, tu montes directement sur. Non, Tfadli Bint Hashmi. Bon, Abu Abdurrahim, tafadl. Abu Abdurrahim, tafadl. Pose Inch'Allah ta'ala ta question. Peut-être que Bint Hashmi n'est pas avec vous. Pose ta question, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Un frère malade demande ma soeur travaille dans un restaurant. Non. Je l'ai lu. On l'a envoyé. Ça. Et elle sert des repas aux gens avec de la viande pas halal, du vin, du porc, donc je pense que son argent n'est pas halal. Est-ce vrai? Et comment dois-je faire si elle fait des courses chez moi? Est-ce vrai que je ne dois pas manger sans nourriture? Car je crois que le prophète a dit qu'Allah n'accepte pas les doigts de celui qui se nourrit du haram. Naam, la réponse, alhamdoulilah, salat wa salam ala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Bien sûr, la sœur a dit, la sœur, ta sœur, pas une sœur, ta sœur, c'est tout. Ta sœur, c'est yani, les grands péchés. Et les grands péchés, pourquoi? Parce qu'elle aide les gens à faire le haram. Allah a dit dans le Coran, وَلَا تَعَوَنُوا عَنْ إِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Ne vous entraidez pas en ce qui concerne l'ithme, le péché et l'udwan. Et celle-là, elle l'aide. Elle dit, voilà, elle sert aux gens le porc et elle sert yani, la nourriture qui est haram. Le vin aussi. Elle sert le vin aussi. Donc, elle est aussi mal'ouna. Elle est aussi mal'ouna. Car 10 sont maudits par le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne le vin. 10 sont maudits dans le vin. Celui qui le sert aussi. Et elle le sert. Donc maintenant, cette ta soeur, si yani, elle achète des choses dans la maison avec vous, yani, elle pose l'argent, et toi tu poses, et il y a ton père qui pose, etc. Toi tu peux manger de ces choses. Tu peux manger, et tu mets dans ta tête que, tu es dans ton intention, tu es en train de manger de l'autre argent, de celui de ton père, ou bien de ton frère, ou bien de ton argent, qui est mélangé. Parce que là, ça devient mélangé. Mais si, deuxième cas, c'est seulement elle, avec son argent, que vous achetez les choses. Vous achetez le pain, des macaronis, etc. Avec son argent, elle. Sauf elle, elle travaille. Ça, tu ne peux manger que quand tu es dans la baroura. Ça veut dire, tu dois manger ailleurs. Mais quand tu ne trouves pas, là, tu n'as rien à faire, tu dois manger, et tu dois ne manger que le peu. Manger juste un peu pour ne pas mourir. C'est pas manger jusqu'à sa faim. Mais c'est pour ça que, Inch'Allah ta'ala, que son argent est mélangé. Il est mélangé avec l'argent de son père ou là son argent. Là. Sinon, ça sera yani, un peu difficile. Wallahu subhanahu wa ta'ala, a'lam. Le prochain, Inch'Allah ta'ala, Bint Hashimi, tafaddali ou tafaddal, Bint Hashimi. Wa alaykum salam, une personne me demande, est-ce qu'on peut toujours tirer des noms pour Allah Azza wa Jal du Coran dans le verset? Comme c'est le cas de dire Allah qu'il est maquette, et seulement vu le verset dans lequel on trouve Makarullah Barakallahu fi. Naam, c'est une question très importante. Jazakallahu khairan. On ne peut pas, naam, on ne peut pas tirer, yani, comme ça des noms, de quoi? Des attributs. Mais on peut tirer les attributs des noms. Chaque nom a un attribut. Et pas chaque attribut a un nom. Kul ism. Là où c'est pas, vous voulez faire kul c'est pas, là ism. Lorsque l'Allah a dit par exemple, Ussama abanaynaha. Le ciel, on l'a construit. On ne peut pas dire l'Allah c'est le constructeur. Pourquoi? Quand tu dis l'Allah c'est le constructeur, tu lui as donné un nom. Il n'y a pas dans les noms de l'Allah le constructeur. Quand l'Allah a dit de Maryam, وَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَنَفَخْنَا فِيهَا, on a insufflé de notre âme. On ne peut pas dire Allah Azza wa Jal c'est l'insuffleur. Allah Azza wa Jal c'est l'insuffleur, le nafir. Pourquoi? Parce que si tu dis le nafir, tu dois donner un nom. Allah Azza wa Jal, on ne dit pas de lui le makir. On dit Allah Azza wa Jal yamkur. Allah Azza wa Jal il fait ceci, yamkur. Yamkur bin makirin. Tu ne peux même pas dire yamkur et tout ceci. Tu dis yamkuru بالماكرين ويمكر بالأعداء وهكذا. Donc voilà inshallah ta'ala la réponse. On ne peut pas tirer des noms. C'est impossible de tirer des noms. Les noms on doit les connaître. On doit les connaître dans le verset et dans le hadith. On ne peut pas les tirer. Mais on tire de chaque nom un acte. C'est-à-dire c'est le contraire. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Jamalu ahl al-hadith tafaddal. Amin ya Rabbi. Où est-ce qu'il est parti, Jamal al-Hadith? Je ne comprends pas. Naam, alaykoum salam, assalamu barakatuh. Merci de donner de votre temps pour notre Ummah, car on a vraiment besoin de nos jours. Qu'Allah vous réponde. Ma question c'est celle-ci. En ce qui concerne les femmes au paradis, qu'Allah fasse que nous soyons tous au plus degré du paradis. Amin, ya Rabbil Alamin. Pourrait-on avoir plusieurs femmes ou bien y a-t-il une limite? Ah, voilà à ce quoi pensent les hommes. Et si on a déjà notre femme dans ce bas monde avec nous, pourrait-on avoir une autre? Naam, il veut se débarrasser de l'ikhlas, il veut se débarrasser, il veut une nouvelle. Barakallahu fikum, continuez comme ça, parce que là, je pense. Jazakallahu khair. Naam, akhi Jamal, le hadith qui est sahih d'ailleurs a dit, que le minimum c'est deux. Deux pour chaque homme. Le minimum, deux pour chaque homme. Ensuite, j'ai lu chez Cheikh Ibn Uthaymeen, par exemple, c'est Bilal Salafi qui m'a donné une fatwa de Cheikh Ibn Uthaymeen, où il a dit, Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, hein, il a dit, yani, il a compris comme ça globalement, il a dit même la femme peut avoir plusieurs hommes. Il a dit même la femme peut avoir plusieurs hommes, en ce sens que l'Azhar lui a dit, yani, wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum. Il a dit, dans le paradis, il y a tout ce que vous souhaitez. Si une femme souhaite deux hommes, trois hommes, il a dit, c'est possible. Ça, c'est Cheikh Ibn Uthaymeen qui a dit ça, bien sûr. Il n'y a pas un hadith, mais il a dit cela. En prenant de la globalité du verset. Donc, le minimum pour un homme, c'est deux. Mais il peut en avoir plus. Comme le shahid, comme vous connaissez le hadith sahih, où il est dit qu'il se marie avec plus de 70. Plus de 70 de, yani, des femmes du paradis. Je crois qu'il a dit 73, si je ne me trompe pas le hadith. Mais il a dit plus de 70 femmes du paradis. Et sûrement que les prophètes, beaucoup plus, sûrement que les prophètes, beaucoup plus. Donc je ne connais pas exactement une limite. Et il se peut que un homme ait par exemple 20, l'autre il en est 30, l'autre il en a 40. C'est d'après le paradis où il est, et d'après yani, combien les actions qu'il faisait ici, d'après sa piété, et d'après ça, ça c'est une récompense. C'est d'après ce qu'il, le paradis où il sera, et d'après la piété qu'il faisait ici, etc. Ensuite, il a dit, et si on a déjà notre femme dans ce monde avec nous, pourrait-on avoir une autre malgré tout. Le verset a dit que tout ce que tu souhaites, il y a. Tout ce que tu souhaites, il y a. Mais je ne voudrais pas te faiblir si je te dis que ta femme sera plus belle, ta femme sera plus belle que celle du paradis, Hurlain. Parce que celle-là a été créée comme ça directement au paradis. Elle n'a pas fait les prières ici, elle n'a pas fait la zakat, elle n'a pas souffert, etc. Donc Allah Azza wa Jal a donné à la pieuse qui était ici, a lui donné pour qu'elle soit plus belle que l'autre, elle soit plus belle que l'autre. Mais l'autre, elle a un autre genre, elle a un autre genre, elle a été créée directement. C'est pour ça qu'elle a aussi beaucoup de qualités, elle est très attirante, elle est très belle, elle est transparente, etc. Tout à l'heure, quand je parlais de Fordain, j'avais oublié de dire aussi que, comme exemple, les choses qui existent et qu'on ne connaît pas, par exemple, qu'il y a un hadith sahih qui dit quand une femme fait des problèmes à son mari ici, des problèmes, yani, bien sûr, ça veut sans avoir raison, s'il boit de l'alcool ou la douche et des problèmes, c'est valable. S'il voit des films à la télévision, des films de haram, elle lui fait des problèmes. C'est valable. Allah Azza wa Jal aime ce genre de problèmes. Mais quand elle fait des problèmes, elle ne se sent pas d'ici, etc. Et elle l'énerve, il y a sa femme qui est au paradis qui dit, elle dit d'en haut, elle parle à la femme d'en bas. Mais la femme d'en bas ne l'écoute pas. Mais nous, on croit parce qu'il y a un hadith qui dit cela. Il dit chaque fois qu'une femme ici énerve son époux, la femme d'en haut qui l'attend, sur l'ain, dit attention, yani, à peu près, hein, yani, il ne va pas rester longtemps, Inch'Allah, il va te quitter, il va être avec nous ici. Il ne va pas rester longtemps, Inch'Allah, yani, il va mourir, et yani, il t'hanna min mashakil, les problèmes que vous allez lui faire. Donc, Inch'Allah, chaque frère, quand il a des problèmes, Inch'Allah, il se rappelle cela, qu'il se rappelle que maintenant il y a une femme en train de dire à notre femme, elle lui dit laisse-le. Il va bientôt venir, yani, et il sera ici, yani, il ne manquera rien, bi'illah azza wa jal. Inch'Allah, prochain soual, Abu Maryam 22. Alaykoum salam, quels sont les livres d'Aqidat que vous nous conseillez en premier lieu, sachant que certains sont plus compliqués que d'autres. Comme l'Aqidat Tahawi aussi, chef, pouvons-nous vous proposer un livre, ou alors c'est toujours vous qui faites ce programme, que Allah vous préserve et amen. Si vous voulez me proposer un livre, c'est possible. Mais ensuite, il y aura un problème lequel, ensuite, chacun proposera le livre qu'il voudra lui. Et qu'il croit que d'après lui, c'est le meilleur livre. Moi, j'ai préféré celui-là, parce que c'est un livre, d'un côté, assez compliqué, mais yani, en l'expliquant, si quelqu'un peut bien l'expliquer, il ne devient plus compliqué. Mais je l'ai choisi parce que c'est de Cheikh Ibn Taymiyyah. Ensuite, c'est le Cheikh Ben Othaymin, l'Ahmou. Et ensuite, c'est un livre qui a globé. Il a globé la Aqidah. Peut-être que quelqu'un va me proposer un livre qui ne parle, par exemple, que du shirk. Qui ne parle que des actes d'Allah. Qui ne parle que des attributs. Et celui-là, il a globé la Aqidah. Il va parler de l'enfer, il va parler de Jahannam, du paradis. Il va parler de tout. Mais, sans dire rien, toi, si tu veux, propose-nous un livre. On va voir, Inch'Allah Ta'ala. Et quels sont les livres d'Aqidah que vous nous conseillez en premier lieu? Non. Fadal, je voulais dire pour les livres en général. Je n'ai pas compris ce que tu veux dire. J'ai dit, mais pour les livres. Non, ça paraît plus compliqué, ça c'est vrai. Et ça c'est compliqué parce qu'il parle un peu, il rentre dans Ilm al-Kalam. En ce sens, il est un peu compliqué. Non, tu commences par les livres les plus simples. L'Osul Salafa, tu commences par l'Osul Salafa. Tu lis par exemple le livre de Tawhid, de Cheikh Al-Fawzan. Tu commences par des livres qui sont simples. Mais je ne sais pas, moi, quel est ton niveau. C'est aussi d'après les niveaux. Je ne sais pas quel est le niveau de la personne yani, pour lui conseiller quel est le livre qu'elle doit lire. Il y a des frères et des sœurs qui ont un niveau, mashallah. Il y a d'autres qui sont débutants. Ils commencent par exemple par l'Usul Thalatha. Ils commencent, Allah Ta'ala, par l'Usul Thalatha. Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam. نعم هلال كالصنصر وفيك بارك الله. Salam alaikum. Est-ce que ces personnes pieuses peuvent mourir de façon cruelle à cause de la mort ou est-ce que leur fin est d'une mort douce? Naam. Même quelqu'un de pieux, il se peut qu'il tombe par exemple d'un immeuble, il se peut qu'il soit écrasé par une voiture, il se peut. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit et faisait des doigts. يعني فوق كالكان نمر بار لا مور سوبيت فوق كالكان يعني يتعوض من الموت البختة يعني نمر بار دو مور سوبيت و البروفيت صلى الله عليه وسلم ادي دون ذا حديث صحيح الى دي موت الموت المؤمن بعرق جبينه الى دي لو كرويون كرويون افون دو مورير يعني اون فوا لا سيور كي كومونس ا كولي دو كوا دو سون يعني دو سون فران تافدي كو. La plupart en général des croyants, quand ils meurent dans un lit ou là, et on voit, par exemple, la sueur en train de couler de 200 francs. Mais ça ne c'est pas une règle générale. On peut être très croyant, on peut mourir une mort subite, et une mort même cruelle. L'exemple le plus simple, c'est Omar ibn Khattab, radiallahu ta'ala anhu. Parce qu'on est plus pieux que lui, il a été mort, assassiné, en plein salat. Il faisait la salat de salat al-fajr quand Abu Lu'lu al-Majusi, il est sorti et l'a poignardé. Celui qui l'a poignardé l'appelle Abu Lu'lu. Il est mort, assassiné en plein salat. Assassiné, frappé avec un poignardé avec un poignard. Parce qu'Omar ibn Khattab n'est pas un pieux. Et maintenant, il y a des chiites, ou l'iyadu billah, que Allah Azza wa Jalla a égaré. Que le shaitan, yani, khlas, leur a fermé les yeux. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils font des doigts. Ils disent, Allahumma hshurna ma'a abi lu'lu'a. Ils disent, oh Allah, yani, fait de sorte que le jour du monde dernier, on sera avec Abu Lu'lu'a. Yani, celui qui a tué Omar. Tellement, ils ont de la haine vers Omar. Ils font des doigts qu'il soit avec son assassin. La hawla wa la quwwata illa billah. Moi, qu'est-ce que je dis? Amin, amin, amin, amin, amin, amin, amin. Naam, amin, je fais amin pour que Allah Azza wa Jal les fasse venir avec Abi Lu'lu'a et qu'il soit avec l'assassin de lui. Et avec son assassin. Je disais, et Wasmo. Et Ali ibn Abi Talib, vous avez oublié comment il a été tué. Il a été tué en voulant aller faire la prière du Sobh. Il est sorti de la maison avant d'arriver au masjid. Il marchait dans un couloir, il y a quelqu'un qui le guettait là-bas. Il l'a tué aussi. Il l'a frappé avec le sabre en pleine tête. En pleine tête. Donc, est-ce que nous, on est plus pieux que Ali ibn Abi Talib? Jamais. Et pourtant, regardez comment il a été mort. Donc, la mort, elle est, on ne sait pas comment elle va venir. Mais l'insan, il ne perd rien. Il fait des doigts. Il veut mourir. Il veut mourir sur un lit ou là. Il fait des doigts. Car, comme vous savez, le doigt peut rendre le muktoub. Quelqu'un, Allah a écrit quelque chose, cette chose est en train de descendre, toi tu fais un doua, le doua l'a fait monter. Il se rencontre en plein ciel. Le maktoub, ce que Allah a écrit qui veut descendre, et ton doua qui veut monter, il se rencontre, comme a dit le prophète, il commence à se bagarrer comme ça jusqu'à la fin du monde. C'est-à-dire que le doua peut rendre ce que Allah a écrit. Parce que il a aussi écrit que tu allais faire un doigt qui allait rendre ce qu'il avait écrit. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Oum Rayhana, tafaddali. Wa alaykoum salam, est-ce que les femmes d'ici-bas seront comme les houris, femmes du paradis? Est-ce que les femmes du paradis auront le hijab? Barakallahu fik. Est-ce que les femmes d'ici-bas seront comme les houris? Est-ce que les femmes du paradis auront le hijab? Barakallahu fik. Moi j'ai lu plusieurs fois où il est dit que les femmes, l'idal fiki barakallahu, que les femmes de ce bas monde seront plus belles. J'ai lu cela dans beaucoup de livres où il est dit que parce qu'elles ont fait beaucoup de ibadat, etc. Alors que les autres n'ont rien fait. Mais la beauté des femmes du paradis, c'est une beauté yani, à part. C'est quelque chose de spécial parce qu'elles n'ont pas été créées comme ces femmes. Yani, c'est un autre genre qu'on ne peut pas yani, décrire. Enfin, je disais que Inch'Allah, la femme de ce monde sera yani, d'une beauté sans exemple, ou le sans exemplaire. Yani elle sera d'une beauté que seul Allah Azza wa Jal sait. C'est pour ça qu'il est cité dans le hadith sahih, à chaque fois que l'homme sortira, il ira au souk, au marché, yani quand il reviendra, il la trouvera encore plus belle qu'elle n'était. À chaque fois qu'il va, il sort et il revient, elle devient encore plus belle. Et même lui, il devient encore plus beau, au point où elle lui dit, qu'est-ce que tu as fait, tu es devenu plus beau. Et il lui dit, qu'est-ce que tu as fait, tu es devenu plus belle. Masha'Allah. Ensuite, est-ce qu'elles porteront des hijabs? Les femmes du paradis, il faut que vous sachiez une chose, dans le paradis, il n'y a pas de mixité. Le paradis, chacun est dans son paradis, avec ses enfants, avec ses femmes, et avec ce que l'Azhar lui a donné. Dans le paradis, il n'y a pas yani, la mixité, on est tout le monde comme ça. Chacun est dans son endroit, dans ses palais, dans ses plages, dans ses mers, dans ses montagnes, avec ses oiseaux, ses chevaux, ses, tout ce qui, dont il a envie. Yani, ils ne sont pas comme ça. Est-ce que quand une femme va rencontrer un autre, par exemple, il y a des visites dans le paradis, ils vont visiter un autre, ou ils vont voir le prophète, est-ce qu'elles seront en hijab ou non? Je n'ai jamais lu ça. C'est pour ça que je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas de réponse, Allah. Je n'ai jamais lu est-ce qu'elles seront avec le hijab ou non quand elles verront d'autres hommes. Allah subhanahu wa ta'ala, seul lui sait cela, ou bien les savants. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Abu Safiya, 2003, tafadhal. Assalamu alaikum. Un frère a passé son brevet de secourisme à la Croix-Rouge. Aujourd'hui, la Croix-Rouge peut travailler avec eux bénévolement sans être payé. Le frère est intéressé dans le but d'aider les gens sur les bidda et pour apprendre le plus de ce métier. Le problème, c'est que l'uniforme qu'il va porter, il y a le symbole de la Croix-Rouge. Naam. Hada, c'est une question assez difficile. Naam. Abu Safiya, 2003, a dit, c'est une question assez difficile. Wallah, c'est une question qui me dépasse. C'est une question qu'on devra, inshallah ta'ala, poser à des ulamas. Dans mon blog, j'ai posé le numéro de certains ulamas. Inch'Allah ta'ala, tu peux les contacter. Ils sont aptes, bi'idhni azza wa jal, à te répondre sur cette question qui me paraît difficile. Naam. Jazakallahu khair. Barakallahu khair. Naam. Umm Souhayl, 92, tafadhal. Je dis à la sœur Muslima, le numéro 11 vient de m'arriver. Le cours numéro 11 m'est arrivé, barakallahu fik. Oum Souhayl, on attend, inshallah ta'ala, la question. Ibrahim, tafadhal. Si vous aviez envoyé vos questions aux frères ou aux sœurs, on n'aurait pas perdu comme ça du temps. Ibrahim, tafadhal. Salam alaikum. On habite en France et on envoie nos enfants de 7 ans dans une école arabe privée qui font le programme scolaire en arabe toute la semaine. Quel programme pour les 7-6 ans conseillez-vous les ulama par rapport à l'éducation, les livres à apprendre, livres de Coran. On attend aussi leur apprendre le français en plus. Ça a été beaucoup de temps en compte ce problème car il n'y a pas de français dans cette école. Est-ce trop pour eux? Voilà qui ont pu nous donner des conseils. Non. De toute façon, vous savez que moi, je suis loin de vous, que tant que je ne vis pas parmi vous, je ne connais pas yani, beaucoup les détails. Je ne sais pas exactement yani, comment ça se passe chez vous. Même si je devais vous dire quels sont les livres à apprendre, par exemple. Je ne sais pas yani, quels sont les livres qu'il y a chez vous comme programme. Je ne sais pas yani, quels sont les livres. Est-ce que les livres yani, dans le din ou les livres... de l'école, je n'ai pas compris. Niveau de Coran. Yani quelqu'un, quand il commence, il a à peu près 5 ans, on commence à lui faire apprendre le Coran. Il y a quelqu'un qui peut lui apprendre. Mais ça ne gêne pas. Là, par exemple, deux fois par semaine ou là, à l'âge 5 ans, 5 ans peut-être c'est un peu tôt. À l'âge 7 ans, 8 ans, on commence à lui apprendre le Coran. Il y en a qui ont commencé à l'âge de 5 ans. Et de nos jours, c'est un peu difficile. Mais à l'âge de 7 ans, 8 ans, on commence à lui apprendre le Coran tant qu'il est jeune. C'est très facile pour lui quand il est jeune. Après, ça lui devient difficile. En ce qui concerne le français, on peut leur apprendre le français en plus. Car les langues, le français, l'espagnol, l'allemand, l'anglais, plus on connaît les langues, plus يعني ça nous aide et ça nous sert. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين وللعالمين. Il a dit اختلاف ألسنتكم, la diversion de vos langages. Vos langages, c'est celui-là par l'anglais, celui-là allemand, celui-là arabe. Puis on apprend quelqu'un une langue, il va la trouver. Il va la trouver plus tard. Donc ce n'est pas interdit d'apprendre à quelqu'un une langue étrangère. Mais on ne la lui apprend pas au détriment de l'arabe. C'est-à-dire, on ne la lui apprend pas à la place de l'arabe. On la lui apprend en plus de l'arabe, pas à sa place. En plus. Voilà à peu près en général ce que je peux te donner de conseils. Et quand il est jeune comme ça, on commence à l'éduquer, yani à l'éduquer religieusement. On commence à lui apprendre la salat, on commence à le faire marcher avec son père. Il marche beaucoup avec son père. Car à cet âge, il aime imiter son père. Il aime beaucoup imiter son père. Il voit son père aller dans la mosquée, etc. Yani, il prend aussi l'habitude de son père. Et quand il y a son père qui est comme ça, c'est la mère, Inch'Allah Ta'ala, qui a le grand ajr. C'est la mère qui le guide. Et demain, devant Allah Subhanahu wa Ta'ala, elle va voir ce qu'il attend comme yani, délice. Comme Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il va lui préparer. Parce qu'elle a fait le devoir de son père. Elle dit pas, moi, mon mari, il s'en fout, donc moi, je m'en fous. Non. Yani, elle fait, le possible pour lui apprendre. Et elle verra, elle fait sa fils à Billah, et elle verra demain ce qu'il attend comme délice, et ce qui attend son mari comme châtiment, l'ayadu Billah. Wa la hawla wa la quwwata illa Billah. Anas, tafadhal. Maintenant, je sais pas, je sais plus tout d'un. Anas, où est-ce qu'elle est la question? Je vois pas. Non, c'est autour de Ibrahim. Ibrahim n'a pas parlé? D'accord, voilà Ibrahim. Là, il passe. Et doit-on les enfants âgés de 7 ans à faire les 5 salats par jour? Pour les mutuelles, je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas c'est quoi exactement. Et je ne suis pas avec vous là-bas. Je ne sais pas comment ça se passe. C'est quoi la mutuelle exactement? Si c'est quelque chose. Assurance santé. Non, la mutuelle, c'est l'assurance santé. L'assurance en général, on ne s'assure que quand on est obligé. L'assurance de la voiture elle-même n'est pas permise. Et pourquoi qu'on l'a fait? On l'a fait parce qu'on est obligé. Si tu n'es pas assuré, on te prend la voiture et on te met en prison. Donc, l'assurance en général, elle n'est pas permise. Pourquoi? Parce que qimar, c'est le qimar. Ils te prennent de l'argent et des fois on te rend rien. Des fois tu ne donnes qu'un petit peu d'argent, on te rend beaucoup. Tu n'as donné qu'un petit peu, on t'en donne 1000. Donc dans ce sens, c'est haram. Mais quelqu'un, quand il s'assure quand c'est obligé. Quand je sais que il m'oblige, il me prend de l'argent, ça veut dire qu'ils m'ont obligé à m'assurer. Sinon, de préférence, on s'éloigne des choses où il y a l'assurance. Ensuite, et les enfants âgés de 7 ans à faire la salat par jour. Naam, quand quelqu'un a 7 ans, on commence à lui apprendre la salat, on ne l'oblige pas. À 10 ans, on commence à l'obliger à le frapper. À 7 ans, on voudrait qu'il fasse 5 prières par jour à 7 ans. Et la plupart du temps, il ne les fait pas. Ça ne fait rien, on ne le frappe pas. On le gronde, etc. On lui dit, va la refaire, etc. Mais à partir de 10 ans, on commence à le frapper. Maintenant, à 7 ans, s'il peut faire les 5 prières à l'heure, en jour, masha'Allah. Naam, il commence à s'habituer. Donc, nous, on essaie de lui dire, même à 7 ans, de faire 5 prières. Le frapper, voilà la différence. À 10 ans, quand il ne fait pas une prière, on le frappe pour ne pas l'avoir faite. Maintenant, je porte la barbe et depuis ma mère qui est chrétienne ne veut plus me voir. Elle veut que je la taille, que dois-je faire? Ah ben, j'ai répondu hier à cette question. La même question, j'ai répondu hier à cette question. Non. Mardi 59, tafadhal. Mais ça ne fait rien, je vais répondre à celui-là peut-être qui n'était pas présent. La barbe, se raser la barbe, c'est vraiment haram pour un homme. Se raser la barbe complètement, c'est vraiment haram pour un homme. Pourquoi? Parce qu'il se fait ressembler aux femmes, et parce que Allah Azzawajal lui a donné des cheveux et des poils partout dans son corps, et lui a montré les endroits où il doit enlever, et les endroits où il ne doit pas toucher. La barbe, il ne doit pas la toucher. C'est de l'endroit où il ne doit pas toucher. Pourquoi? Parce que nous, c'est Allah Azzawajal qui nous a créés. On ne s'appartient pas à soi-même. Moi, j'appartiens à Allah. Toi, tu appartiens à Allah. Ma tête, c'est la tête d'Allah qui l'a créée. Mon visage, c'est le visage d'Allah qui l'a créé. Donc, il fait de nous ce qu'il veut. Ala lahu al-khalqu wal-amr. Il crée et il ordonne. Donc, il nous a ordonné de laisser la barbe. Maintenant, quand quelqu'un la rase, il est rentré dans les péchés et il a fait un grand péché, comme disent les ulama. Maintenant, quant à la tailler, si c'est vraiment grave, on peut un peu la tailler. Naam. Si c'est vraiment grave, on peut la tailler. Si tu sais, par exemple, que ta mère, si tu la tailles pas, elle va, par exemple, faire sortir de la maison et tu vas passer la nuit sous les ponts. Tu vas passer la nuit dans le jardin, tu vas passer la nuit. Tu essayes un peu d'endurer. Et si tu vois que c'est pas possible, tu tailles juste un peu. Tu tailles juste un peu, c'est pas au point où tu la traces. C'est pas au point où tu la traces avec le rasoir, etc. Mais tu prends un peu, comme prenait Abdullah ibn Omar, même Abu Huraira, même sans partir à la Umra. Il prenait, comme ça avec sa main, ce qui dépassait, il le coupait. Ce qui dépassait, il le coupait. C'est pour ça que certains ont permis de un peu tailler à cause des problèmes, à cause des grands problèmes. Et إنه إذا كان لابد من ارتكاب أحد ضررين فارتكاب أخفهما واجب. ارتكاب أخفهما واجب. La personne essaie un peu d'endurer. Si elle peut pas, pour parer aux grands problèmes, elle taille un peu. والله سبحانه وتعالى. Si j'ai dit juste, c'est من الله. Si j'ai dit faux, يعني c'est من الشيطان et c'est de moi. الله سبحانه وتعالى. مهدي 59 تفضل فيك بارك الله تفضل مهدي عليكم السلام ورحمة الله استرمي دو ليغ دي ليغ ان فرونسي كي سون دي ليغ دو سونس دو علماء كي نيكزيست كو دون لي ميزون ديديسيون كي فيول لي دوا دوتور كي سي ليغ سون دي ليغ كي كونتين لي سونس اوتيل كون كومبرون اي كون نو كومبرون كو لو فرونسي et qui permet de lire des livres en français qui sont des livres de science, de romans, qui n'existent que dans les maisons d'édition qui violent les droits d'auteur. Si ces livres sont des livres qui contiennent une science. Maintenant, si le livre, tu l'as devant toi, tu le lis, il n'y a pas de problème. Mais si tu vas l'acheter dans une maison qui vole, tu ne l'achètes pas. Pourquoi? Parce que tu es un complice avec eux. Tu sais qu'ils volent et tu vas l'acheter. Donc ça, tu deviens complice. Mais si le livre, là, il est chez quelqu'un, ou là, il est à la maison, là, tu veux le livre, Inch'Allah ta'ala, tu peux le lire. Parce que personne n'a le droit de yimna. Personne n'a le droit de yimna al-ilm. L'ilm qui est nafi, utile. Mais pour aller l'acheter, non. Pourquoi? Tu rentres dans la complicité. Et embrasser les parents sur le front. Petite partie de la sunna. Et embrasser les parents sur le front. Non, Mahdi, pose seulement une ou deux questions. Barakallahu fik, regarde les gens qui attendent. Regarde les gens qui attendent. On peut embrasser le père embrasse, par exemple, la main de sa fille. Et elle embrasse la main de son père. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a embrassé Ja'far sur son front. Et il a embrassé aussi, et Abu Bakr a embrassé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur son front quand il était mort, Je ne connais pas et je ne sais pas que c'est de la sunna. Je ne sais pas. Et si certains la font, pas à cause du dîme, mais à cause d'une habitude. Si quelqu'un est habitué à embrasser son frère ou son père au front, mais il ne dit pas dans son cœur que c'est le dîme qui m'a dit ça, c'est pas interdit. Comme ici au Koweït, par exemple, les hommes, quand ils se rencontrent, il s'embrasse sur le nez. L'autre, il embrasse sa tête. Yani, ça, ils disent pas c'est du din. C'est pas Allah qui nous a dit ça, ni le prophète. C'est une habitude. Les habitudes ne sont pas interdites tant qu'il n'y a pas quelque chose qui les interdit dans la sunna. Pour la science et l'étude, elle est très importante. Excusez-moi. pour Allah, c'est important. Je n'ai pas compris. Ah, voilà, c'est pour la science, c'est très important, justement, pour Allah. Non, Yanni, je ne sais pas, parce que tu as dit toi, que ils volent. Est-ce que toi, tu as des délits que vraiment ce sont des voleurs à dos? Quels sont les délits que cette maison a volés? Surtout en France, quand on vole, etc., c'est vite la prison. C'est vite la prison, c'est vite l'avocat et la prison. As-tu des délits, toi, que cette maison d'édition a vraiment volé? Tant que tu ne sais pas, tu achètes. Tant que tu n'as pas des délits, tu n'es pas sûr. Voilà, tu n'es pas sûr, tu as entendu des gens parler, etc. Tu achètes. Non, c'est des paroles, c'est des rumeurs. Non, quand on dit quelque chose, c'est un voleur, il faut des délits, des preuves. Non, toi, ne te fie pas aux rumeurs des gens. Toi, tu n'as pas de preuves et tu n'es pas obligé d'aller chercher, comme a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, d'aller ouvrir les cœurs des gens. Tu vas ouvrir les cœurs des gens pour le demander. Là, tu rentres dans une, comment ça s'appelle? Tu rentres dans une librairie, salam alaikum, salam, pardon, avant de vous demander le livre, est-ce que vous volez ou là, vous volez pas là, vous volez les droits ou là, vous volez pas. Là, on n'est pas, il n'y a pas ça en islam. Tu ne sais pas, tu achètes. Allah subhanahu wa ta'ala, le suivant, inshallah ta'ala, un frère dit au sujet de là-bas, faut-il la laisser pousser infiniment, sinon, indéfiniment, si l'on peut? Cheikh Al-Albani a dit non. Il a dit, on a vu les salafs, on n'a pas trouvé des gens, des sahaba, etc., qui ont laissé la barbe qui marchait avec eux, celui qui touchait le sol. Il a dit, de la sunna, yani, on ne la laisse pas jusqu'au point, par exemple, où elle descend au-dessus du nombril, par exemple, indéfiniment comme ça. Cheikh Al-Albani a dit, ça rentre dans la bid'a. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Vous m'entendez là, c'est dessus? En fait, c'est moi qui ai coupé le micro, est-ce que vous m'entendez ou pas? Alhamdulillah. Cheikh, il va revenir, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Qu'est-ce qu'on disait, Inch'Allah ta'ala? Prochain sou'al, c'est qui? Qui a le prochain sou'al, Inch'Allah? Non. Je pense à une chose, tout à l'heure quand j'ai dit du shahid, j'ai dit qu'ils sont 12. Non, Fouzi, t'as fait là. Fouzi, je t'ai enlevé le point. Je t'ai fait là. Fouzi. Fouzi, t'as fait là. Salam alaikum, mes chers. Peut-on apprendre? Prendre la somme, mes chers. وحيد عبد السلام بالي رايش بوكو دي فلو اون سي كونسيرن وحيد عبد عبد السلام اي سي تامبل يعني كومون ديراج ليف كي ليف اي لا روتيري بوكو دو شوز دو فون ليف نعم جو سوري جو ريفيان ان شاء الله تعالى السلام عليكم ورحمه الله في صوت وحيد عبد البالي هذا Wahid Badi Hada, dans son livre La Ruqya, il a dit beaucoup de choses sans délit, sans preuve. Ensuite, il a écrit son livre. Non. C'est moi qui ai fait la vacance d'édition. Benatouna, Barakallahu Fik. C'est déconnecté, il n'a pas encore vu ta connexion, ta question. Dès qu'il revient, ça leur pose la bienvenue. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Non, je disais que Ousmane Bali a dit beaucoup de choses dans son livre qui ne sont pas vraies. Sans Dali, les ulama l'ont critiqué. Il a retiré beaucoup de choses de son livre. Maintenant, son dernier livre. Yani, il est assez bien, il ne contient pas beaucoup de fautes. Et il y a un livre qui s'appelle Keifa Tudawi Marevak. Comment tu soignes ton malade? Celui-là, c'est de Abdullah Sidhan. c'est-à-dire qui sont sur Internet, il est mashallah pour la ruqya, toute la ruqya pour le mauvais œil, pour le sihr, pour le djinn, pour celui-là, si vous pouvez le faire télécharger de l'Internet, il s'appelle Keifa Tudawi, Keifa Tu'alij, Keifa Tu'alij ou Maridak. Je vais l'écrire ici, une seconde, pour ceux qui ont l'arabe, Keifa, Keifa Tu'alij. Tu'alidou maridaka. Kefa tu'alidou maridaka. Chaque malade doit rentrer dans ce livre et voir qu'est-ce qu'il trouve une solution à ses problèmes bi'idn azzawajal. Inch'Allah, vu qu'il n'y a pas de sharia islamique en France, que doit faire un homme qui a commis l'adultère? Naam. Quelqu'un qui a commis l'adultère, que ce soit en France ou ailleurs, que ce soit en France ou ailleurs, ou bien quand c'est dans un pays où il y a l'islam, ou bien il va au gouverneur pour qu'il le purifie, ou bien il fait quoi? Il fait le repentir entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand c'est en France, par exemple, où il n'y a pas Lahore, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le repentir entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Et même quand c'est dans un pays musulman où il y a le gouverneur qui purifie, yuqimu al-had, yani quand quelqu'un fait une faute comme celle-là, de préférence qu'il fasse le repentir entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas la peine de faire. Salam alaykoum, Yachik, on vous entend très mal, barakallahu fik. Ça coupe. Qu'est-ce que je dois faire? Donc, si vous m'entendez très mal, qu'est-ce que je dois faire? Et si vous m'entendez très mal, je dois donc vous dire salam alaykoum. Parce que chez moi c'était bien. Donc peut-être que c'est chez toi, Ousmak. Ibrahim, peut-être que c'est chez toi. On va demander la question à un autre. Attends. Oum Souleymen du 13. Oum Souleymen du 13. Tu m'entends bien ou là il n'y a pas de son? Pour voir si c'est chez Ibrahim ou là chez tout le monde. Non, elle entend bien. Donc c'est chez toi, Lahara. Ilyas n'a pas de coupure. C'est chez toi, Ibrahim. Je disais qu'il ne peut pas se fouetter lui-même, ni faire venir des gens pour le fouetter. Seul le gouverneur fouette. S'il n'y a pas de gouverneur, tu fais quoi? Tu fais la tauba entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Le repentir entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. En ce sens, n'oublie pas que Allah azza wa jal a pardonné à une femme à cause qu'elle a donné à boire à un chien. N'oublie pas ce hadith. Et elle ne faisait pas la zina seulement, elle ne l'a pas faite une fois, mais c'était son travail. C'était une femme de joie qui se vendait avec de l'argent. Et là, je lui ai pardonné parce qu'elle a donné à boire à un chien. Regarde la sincérité quand elle est dans le cœur, la vraie sincérité. Quand quelqu'un est sincère avec Allah Azza wa Jal, Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an. C'est comme ça qu'il a dit dans le Coran. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا الله عز وجل annule tous les péchés sauf bien sûr le shirk, même le shirk sauf si on meurt associateur ou la yadu billah. Naam. Un couple divorcé ensuite remarié, chacun de son côté. Un couple divorcé ensuite remarié, chacun de son côté. Pour les enfants du premier mariage, commence par la discussion de l'éducation. Ai-je le droit de parler à mon ex-mari ou dois-je converser avec sa nouvelle femme? Un couple divorcé, ensuite remarié. Chacun de son côté. Ah, chacun de son côté, j'ai compris. Pour les enfants du premier mariage, comment se passe la discussion? L'éducation. Ai-je le droit de parler à mon mari, ex-mari, ou dois-je converser avec sa nouvelle femme? Et si le dialogue avec elle ne passe pas, dû à sa jalousie. Ai-je le droit de parler de l'éducation avec mon mari? Quand c'est quelque chose d'obligé, tu parles avec ton mari. Car ton mari, c'est maintenant quelqu'un d'étranger. Entre ton mari, yani, quand ton mari ou là, ton voisin ou là, le chauffeur du bus ou là, le boulanger, ce sont tous les mêmes pour toi. Ce sont tous des étrangers. Quand tu parles avec ton ex-mari, tu parles quand tu as vraiment besoin de parler de lui. Quand tu as vraiment besoin de parler de lui, une chose yani, qui est assez grave, là tu parles. Là, une chose dont tu as besoin. Yani, tu lui demandes où sont les papiers des enfants ou bien ceci, cela. Et s'il n'y a pas de raison, يعني tu peux l'éduquer sans son avis. Quand ils viennent chez toi, tu les éduques, tu leur montres, tu leur apprends des choses ou là. Yani ça n'a rien à voir avec lui. Une femme peut éduquer ses enfants, même sans son mari. Son mari est mort ou là son mari s'en fout, ça lui dit rien, l'éducation. Elle peut les étudier, elle les éduquer sans son avis. Et si tu lui donnes, yani, tu lui parles dans les normes licites, quand il y a un besoin, Inch'Allah ta'ala c'est permis, quand il y a un besoin. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Muslim 86, tafaddal. Fik, gratuna, fik. Peut-on faire la prière d'un imam qui autorise l'illicite, comme la riba, incite les gens à voter autre que la loi d'Allah contre les élections. Et puis cela, ça il rejette la sunna comme le port de la barre du Khamis. Naam. Je ris parce que yani, tellement on a vu de ce genre que c'est devenu quelque chose de normal chez nous. Tellement on a vu de ce genre. Mais pour quelqu'un, yani, c'est nouveau pour lui, ça l'étend, c'est très grave, c'est kouf. Je disais, un imam qui autorise l'illicite comme la riba, ou le riba, il faut que tu saches, Inch'Allah ta'ala, il faut que tu saches que pour lui, c'est pas de la riba. Pour lui, il dit non, c'est pas de la riba. Il dit, j'ai entendu le grand imam de l'Azhar qui a dit c'est possible. Il te dit, j'ai entendu Qaradawi qui a dit c'est possible. Il te dit, naam, il te dit, moi je parle pas de ma tête. Ce sont les grands ulamas qui ont dit ça. Entre parenthèses, les grands ulamas, il y en a pour lui. Donc c'est quelqu'un toujours qui on appelle Shari'i li Muta'awil. Muta'awil, ça veut dire, il croit qu'il a des dédits. Il croit qu'il a des dédits. Il y a une grande différence entre quelqu'un qui se croit dans la vérité et quelqu'un qui sait qu'il est dans le faux, il se maintient. Il y a une grande différence entre les deux. Ensuite, il incite les gens à voter autre que la loi d'Allah, comme les élections, etc. En plus de ça, il rejette la sunna comme le port de la barbe du Khamis. Il rejette la sunna pour lui. On lui a appris, certains égareurs qui se disent ulama, lui ont dit que la barbe c'est seulement une habitude. La barbe c'est seulement une habitude. Et le Khamis Hada, c'était au temps du prophète. Yani maintenant, comme a dit quelqu'un qui est mort, yani, demande Allah subhanahu wa ta'ala qui lui pardonne, tout le monde le connaît en Algérie, c'est quelqu'un de, yani, une personnalité dans un groupe islamique, c'est quelqu'un, chef de parti, il a dit, en ce sens, il a dit, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, il aurait mis un costume ou une cravate, ou un costume et une cravate. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Naam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, il aurait mis le costume avec la cravate. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Rajm bil ghaib, ça s'appelle rajm bil ghaib. Wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azhim. Je disais que il y a une règle. Toujours dans une mosquée, s'il y a deux mosquées et tu peux faire une salade dans une mosquée qui est mieux que l'autre, pas dans la mosquée qui est mieux que l'autre. C'est une règle. Tu as deux mosquées. Wahda à 1 km et l'autre à 1 km 500. À 1 km 500, il y a un imam qui est mieux. Yani, il est sunni, il est ici. Va, yani, m'allez, je perds 500 mètres et va dans la deuxième mosquée où il y a la personne qui ne fait pas ces choses-là. Mais la règle générale dit que s'il y a une seule mosquée dans tes environs, tu ne peux pas faire la prière à la maison. Tu dois la faire dans la mosquée tant que la personne n'est pas devenue kafir. N'est pas devenue kafir. Car quand tu parles avec celui-là, il est muta'awwil. Il va te dire, j'ai entendu les ulama dire, en ce qui concerne les élections, j'ai entendu des ulama dire que tu peux voter, tu peux cela. Yani on va voter pour enlever le char, le mal, et faire venir un petit mal. Il va te donner des excuses qu'il croit qu'elles sont valables. Tant qu'il n'est pas kafir, tu peux faire la salat derrière lui, Inch'Allah ta'ala, même avec les bid'a qu'il fait. Comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il a dit, quiconque ne fait pas la salat derrière un imam à cause de sa bid'a, et il fait la prière à la maison, il a dit, c'est lui l'innovateur. C'est lui l'innovateur qui n'a pas fait la salat derrière l'imam. On peut écouter le Qaradawi, c'est pas la peine d'écouter le Qaradawi. Qaradawi, c'est pas la peine de l'écouter. Tu as les grands ulama qui sont yani tira et qui disent ce que Allah Azzawajal a dit à son prophète. Le Qaradawi, de temps en temps, il dit des choses qui n'ont rien à voir avec le dîn. il y a un site sur l'internet qui montre que le Qaradawi a plus de 170 fautes. 170 fois où il s'est trompé dans des fatwas, etc. Il faut éloigner cette personne le maximum, Inch'Allah Ta'ala. Abu Huraira 059, tafadhal. Un frère pauvre, j'ai divorcé avec mon ex-femme. Celle-ci a eu la garde des enfants car au tribunal, elle a dit que j'étais salafi. Quel est le hukm shar'i pour la garde des enfants? Un frère veut émigrer au Koweït, il veut des renseignements, prendre sa région là-bas, logement, etc. Pour la première question, j'ai divorcé avec mon ex-femme. Celle-ci a eu la garde des enfants au tribunal. Elle a dit que j'étais salafi. Quel est le hukm shar'i pour la garde des enfants? Les enfants, avant 7 ans, ils sont avec leur mère. Après 7 ans, ils choisissent. Ici, ils sont pas. Si leur choix, c'est un choix de shahwa, un choix de tentation, et ils choisissent par exemple la mère, alors que la mère ne fait pas la prière, ils n'aiment pas le dîn, etc., on les donne au père. Pourquoi? Parce que s'il est plus religieux qu'elle. Et le contraire est vrai. Après 7 ans, s'il choisit son père, son père c'est un alcoolique, etc., on les donne à la mère, si elle est plus religieuse que lui. Donc, comme a dit Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, après 7 ans, on regarde le plus pieux des deux. Celui qui est dans le plus vrai chemin, on lui donne les enfants. C'est comme ça dans la charia, inshallah ta'ala. Un frère veut émigrer au Koweït, il veut des renseignements, apprendre sa religion là-bas, etc. Pour venir ici, il faut, comme vous devez le savoir, ou bien on a la nationalité française ou bien on l'a pas. Si on a la nationalité française, on a l'avantage de venir sans visa. Si on n'a pas la nationalité française, ni américaine, ni suisse, ni canada, on a la nationalité arabe, on ne peut pas venir si ce n'est pas un Koweïtien qui nous fait venir. On ne peut pas venir. Si ce n'est pas un Koweïtien qui nous fait venir, ou bien quelqu'un qui a le même nom que nous. Par exemple, moi, si je veux faire venir quelqu'un, il faut qu'il ait le même nom de famille que moi. Sinon, je ne peux pas. Moi, quand j'ai voulu faire venir le mari de ma fille, j'ai pas pu, parce qu'il n'a pas le même nom que moi. Et quand j'ai fait venir ma fille, il est venu avec elle, comme mahram. Pourquoi? Parce que c'est son mari. Al-Mouhim, c'est comme ça pour venir. Autre chose, quand on est au Koweït ici, tu as deux choses. Ou bien tu as le diplôme, ou bien tu ne l'as pas. Si tu as le diplôme, rien ne te manque. Tu travailles comme ingénieur, tu travailles comme imam, tu travailles comme professeur à la fac, comme professeur au lycée, etc. Si tu n'as pas, tu travailles comme tous les autres, c'est-à-dire la peinture, la maçonnerie, etc. Et, entre parenthèses, tu souffriras. Non. Parce que tous ceux qui travaillent la deuxième couche, qui n'ont pas les diplômes, ils souffrent. Ils sont avec moi, je les vois du matin au soir, ce sont des hindous, des Bengal, du Bangladesh, ce sont des Syriens, ce sont des Égyptiens. Ceux-là, pour je ne sais pas combien, 500 euros, là, je ne sais pas, ils sont fous. Il est là, il reste ici jusqu'à mourir. Il souffre du matin. Moi, quand je vais à 4 heures du Fajr, je vais à 4 heures pour faire la prière, à 4 heures du matin, je les trouve déjà avant moi, assis en train d'attendre le bus qui vient les prendre comme des moutons. Ils font la bagarre pour rentrer, celui qui prend la place. Ils montent une seconde comme des moutons, ils reviennent le soir, quand je les vois comme ça, je dis « La hawla wa la quwwata illa billah » et je dis « Alhamdulillah alladhi yani faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila » Je me dis « Moi, mashallah, je suis imam, je suis kada, je suis miskin celui-là, comment il fait ?» Donc ici, si quelqu'un a les diplômes, inshallah ta'ala, il lui manquera rien. Si quelqu'un ici n'a rien, c'est vraiment, vraiment difficile pour lui, parce qu'il va travailler comme un esclave. D'ailleurs, ici, les gens qui n'ont pas de diplôme, sont considérés comme des esclaves. La preuve, quand on s'énerve d'eux, etc., les gens leur disent « Hayawan ». Écoute, Hayawan, yani bête. Bête, pourquoi tu as fait ça? Je sais pourquoi tu as fait cela. « Wala hawla wala quwwata illa billahi al-adhim ». Inch'Allah ta'ala, c'est l'heure de m'arrêter. Il est déjà 1h15. Quand est-ce que je vais dormir? Quand est-ce que je vais faire ça? Allah subhanahu wa ta'ala, le musta'an. On va voir Abu Abdullah al-Jazairi, qu'est-ce qu'il va dire. Fadal Abu Abdullah al-Jazairi. Fadal. 59. Est-il permis de faire sa istikhara ou autre salat après avoir fait l'huître? J'ai entendu Cheikh Loubekhane dire que concernant l'assurance, c'est permis, c'est une sorte d'entre-aide. Wallahu alam, pouvez-vous nous donner plus de tabac pour quel aim conseillez-vous de commencer? Donnez-vous نعم pour la salat istikhara, la salat istikhara, Cheikh Ibn Uthaymeen rahmatullah a dit, elle peut se faire en tout temps. Il a dit, elle peut se faire en tout temps. Il a dit, mais de préférence, c'est une salat qui attend. C'est une salat qui attend. Il a dit, de préférence, au lieu de la faire dans les moments où c'est interdit, de préférence, on la laisse en son temps normal. L'année après une salat, par exemple, Bahroula, après cela. Il a dit pourquoi? Parce que c'est une salat qui n'est pas, on n'est pas pressé de la faire. Je suis pas pressé pour que je la fasse. Yani, au moment où c'est interdit, les heures interdites. Je suis pas pressé pour la faire aux heures interdites. Il a dit, mais si quelqu'un l'a fait, c'est possible. Pourquoi? C'est une salat qui a une cause. C'est une salat qui a une cause. Et la salat qui a une cause peut se faire, comme j'ai dit, à n'importe quel moment. Ilyes, je te vois pas sur la liste. Ilyes, je me vois sur la liste. Je te vois pas sur la liste. Ilyes. Moi, je ne te vois pas. Je vois Abou Ilyes. Je ne vois pas. Non, je ne vois pas ici. En ce qui concerne Cheikh Oubeikan et l'assurance, je ne sais pas de quelle assurance parle Cheikh Oubeikan. Non, je ne sais pas de quelle assurance il parlait. Peut-être qu'il parlait de l'assurance qui se trouve en Arabie Saoudite. Peut-être qu'en Arabie Saoudite, peut-être qu'ils font l'assurance qui est charia. Donc, je ne sais pas de quelle assurance il peut parler. Moi, je sais que Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yirhamou, il disait, d'hammam. Cheikh Ibn Uthaymeen, Allah yirhamou, a dit, quand quelqu'un est obligé de faire l'assurance, il a dit, si on lui donne, par exemple, il fait un accident de voiture, on lui donne, par exemple, je donne un exemple, on lui donne 1000 euros pour réparer la voiture. Il a dit, si lui, il n'a donné que, toute l'année, il n'a donné que 200 euros, il a dit, les 800 euros, il n'a pas le droit de les prendre. Il a dit, il les donne aux fuqara, aux pauvres. Comme ça a dit, Cheikh Ibn Uthaymeen, l'Arhmou, qui m'a reçu l'assurance. Quel aïn pensez-vous de me donner une autre priorité? Naam, le aïn, tu commences, Allah Ta'ala, par la aqida. Tu commences par la aqida. Si tu as beaucoup de temps libre, tu apprends le Coran. C'est très important de connaître le Coran. Et tu commences par la Aqida. Et si tu connais bien l'arabe, alhamdoulilah, si tu connais pas, tu dois faire des cours d'arabe. Parce que quand tu comprends le din en arabe, c'est beaucoup mieux que de comprendre dans une autre langue. En arabe, il y a beaucoup de choses que tu comprends, que d'autres qui ne comprennent pas l'arabe ne la comprennent pas. C'est pour ça que, inshallah ta'ala, essaye d'apprendre l'arabe et il faut bien beaucoup se baser sur la aqida, c'est très essentiel. En même temps, tu apprends le fiqh pour que ta salat soit vraie, pour que ton wudu soit vrai, pour que ton siyam soit vrai. Ensuite, si tu veux aller au hajj, tu apprends le fiqh du hajj. Si tu veux te marier, tu apprends le fiqh du mariage. Si tu veux rentrer dans le commerce, tu apprends le fiqh du commerce. Si tu veux aller au djihad, tu apprends le fiqh du djihad. Et comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Comme Jouairiya, ta sallali. Comme Jouairiya. Ilyes, je ne vois pas la main. Ilyes Abou Anas, je ne te vois ni toi, ni ta main. Si je ne te vois pas toi, comment puis-je voir ta main? Naam, il n'y a ni toi, ni ta main. Sauf peut-être que tu es ailleurs dans un café ou là dans un restaurant. Là, tu n'es pas avec nous ici. Tu es ici, mais ce n'est pas toi, peut-être le djinn. Toi, il n'y a pas ici. Je ne vois, naam, je ne vois rien, ni ta main, ni ton visage. Comme Jouiri a dit, salam alaikum wa rahmatullah, est-ce qu'une femme qui a ses règles peut entrer dans une salle de prière pour un ta'lim, par exemple? Une salle de prière pour un ta'lim? Est-ce que, comme Jouiri, est-ce que salle de prière, est-ce que tu veux dire yani mosquée? Est-ce que tu veux dire mosquée ou qu'est-ce que tu veux dire? Essaye de m'expliquer. Là, les mots, ce que j'ai compris, je parle de salle de prière. Qu'est-ce que ça veut dire salle de prière? Là, où on fait la salat, il y a un ta'lim. Vous savez que les ulamas ont beaucoup diversifié sur ce cas. Beaucoup d'ulamas de l'Arabie Saoudite, si ce n'est pas tous, disent que la femme, quand elle a les menstrues, elle ne peut pas rentrer dans un mosquée, dans une mosquée, pardon. Elle ne peut pas rentrer dans une mosquée, et la partie des femmes derrière, la mosquée, elle ne peut pas rentrer la femme. Cheikh Al-Albani, Allah yirhamou, a dit elle peut. Il a dit, il n'y a pas de délit comme ça, il y en a très clair, qui empêche qu'une femme avec les menstrues entre dans la mosquée. Mais même si on prend avec l'avis de Cheikh Al-Albani, même si on prend avec cet avis, il faudrait être à l'écart. Ça veut dire si elle rentre dans une salle, il faut qu'elle soit de côté, pas à l'endroit où on fait la salat exactement, mais à l'écart. Par exemple, elle s'assied sur des escaliers ou elle s'assied, elle n'est pas à l'endroit où les gens prient, où les femmes prient. Il faut qu'elle soit à l'écart, inshallah ta'ala, pour yani, sortir des diversions des ulama, inshallah ta'ala. Comment peut-on vous aider pour le zawaj? Barakallahu fikoum. M'aider pour le zawaj, je vais pas me marier. Je vais pas faire le zawaj. J'ai pas compris. À moins que tu parles de zawajgmail.com. Non, le projet, je présentais, c'est tout. Pour le projet, ceux ou celles qui vont m'aider, inshallah ta'ala, j'attends que je reçoive des lettres. Non, j'attends que je reçoive des lettres. Inshallah ta'ala, ceux et celles qui veulent m'aider, je leur donne, il faut qu'ils sachent, yani, je leur donne le mot de passe pour rentrer avec moi et m'aider pour trier les lettres et voir les gens qui ont des affinités, etc. Parce que jusqu'à présent, toutes celles qui m'ont écrit et tous ceux qui m'ont écrit ne se ressemblent pas. Chacun a une chanson qui ne ressemble pas à l'autre. Celle-là dit, il faut qu'il soit de la région parisienne. Et l'autre, il dit, il faut qu'elle soit marocaine. Et l'autre, il dit, il faut qu'elle soit 1m73. Et l'autre, il dit, il faut qu'il apprenne le Coran. Il y a pas deux qui se ressemblent jusqu'à maintenant. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Inch'Allah, quand j'aurai assez de l'Ahor, Inch'Allah ta'ala, vous pourrez m'aider, Inch'Allah ta'ala. Naam, tous. J'ai pas encore trouvé deux qui se ressemblent. Allah al-Musta'an. Inch'Allah, ça va venir. Nour, tafadzali. Oh, tafadzal. Nour 30. Tafadzal. Et voilà, il y a trop de conditions. Justement, je voulais dire une chose. Pour ceux qui m'envoient pour le Zawaj, je vous donne une nasiha. Ne faites pas beaucoup de conditions. Laissez les portes ouvertes. Peut-être Allah Azzawajal vous ouvrira les portes. Quand vous donnez beaucoup de conditions, vous dites par exemple, il faut qu'il soit de la région, par exemple, de Marseille. Ça veut dire que tu as fermé toutes les portes à ceux qui sont de Paris, de Valence, de Nantes, de je ne sais pas d'où. Tu as fermé toutes les portes à ceux-là. Et peut-être celui qui est de Paris, peut-être qu'il est mieux que celui de Marseille. Avec celui de Paris, tu vas être plus heureuse qu'avec celui de Marseille. Et ceux-là, ils ferment la porte. Tu dis seulement il faut qu'il soit, par exemple, de Marseille. Ou là, seulement il faut qu'il soit 1 mètre, par exemple, 73. Laisse venir. On ne sait jamais, tu vas voir cet homme, il va rentrer dans ton cœur. Même s'il ne fait pas 1m73. Laisse venir, ne donnez pas trop de conditions. Plus il y a de conditions, plus c'est difficile de lui trouver ce qu'il veut. De trouver à cette personne ce qu'elle veut. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Nour. Alaykoum salam. Cher, j'aimerais savoir, est-ce que la jalousie sera toujours entre les époux au paradis? Allah yajazik, salam alaykoum wa salam. Justement non. Parce que s'il y avait la jalousie au paradis, on ne serait pas au paradis. Non. S'il y a la jalousie au paradis, ça veut dire l'homme, depuis qu'il sort, pour aller, je ne sais pas, au souk, ou là, je ne sais pas où il va aller, chez ses amis, ou là, chez sa deuxième femme, déjà la première femme est derrière lui en train de le guetter avec les jumelles. Déjà, elle est derrière lui, elle va envoyer ses enfants comme espions, elle va faire ceci, cela. Donc là, c'est plus le paradis. C'est le cœur qui fait mal, c'est... Alhamdulillah, au paradis, il n'y a que les choses qu'on aime et qu'on veut. Et le hasad, l'envie et la jalousie, et yani, vouloir faire du mal, tout ça, ça s'enlève du cœur. C'est-à-dire, une femme, quand elle voit ou elle sait que son mari est avec une deuxième femme, dans une maison ou là, dans une chambre, là, ça ne lui dit rien. C'est comme si, je ne sais pas, elle voyait par exemple, quelqu'un en train de manger du pain. Ça ne lui dit rien. C'est la même chose. Là, je enlève du cœur ces choses-là. Comme il a dit dans le Coran, « Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil, wa naza'na ma fi sudurihim min ghil. » On a enlevé de leur poitrine ce qu'il y a comme ghil, yani l'hasad, etc. Conclusion, « Ikhwanan ala sururin mutaqabilin, conclusion, ce sont des frères yani, sur des divans artificiels. Et les femmes auront deux époux. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, il est possible qu'une femme ait beaucoup plus d'un époux. 1, 2, 3, 4, 5. Pourquoi? Parce que Allah a dit dans le Coran qu'il y a dans le paradis ce que vous souhaitez. Il y a dans le paradis ce que vous souhaitez. Donc si une femme souhaite 5, 6 époux, donc c'est possible. Parce qu'il y a tout ce qu'on souhaite. C'est pour ça qu'il y a un hadith sahih où quelqu'un a dit et dira dans le paradis, il dira à Allah subhanahu wa ta'ala, ce hadith il se trouve dans Cheikh Al-Albani, il a dit je voudrais planter, yani plante le blé ou là je ne sais pas quoi. Là je lui dis pourquoi yani il te manque quelque chose au paradis, il te manque des choses au point où tu veux planter, tu veux semer ça, tu veux semer le blé ou là, il te manque yani. Il dit non ya Allah, je veux semer. Parce que celui-là c'était un agriculteur, yani ici dans cette vie. Alors mais il a toujours gagné ce métier dans son cœur, il dit je veux semer. Alors Allah Azzawajal va lui donner les grains qu'il va semer, bien sûr, des grains du paradis. Le hadith a dit, dès qu'il jette le grain, dès que le grain tombe sur le sol du paradis, il devient comme une montagne. En une seconde, le grain touche la terre du paradis, khlas, il commence à sortir et il devient comme une montagne. Et lorsqu'il commence, yani tellement il est content, il commence à semer. Ensuite, Allah Azza wa Jalla lui dira, « Dounaka yabna Adam, la yushbi'u kashay. Oh toi, être humain, rien ne te rassasie. »« Matchbash, matchbash. » Yani, il y a tout dans le paradis, matchbash. Tu as encore faim et tu veux semer et tu veux. « Wala hawla wala quwwata illa billah. » C'est pour ça que, dans une femme, quand elle est au paradis, quand elle souhaite un bébé, aussi, le bébé sort en son instant lui-même. En l'instant où elle souhaite le bébé, il sort. Il n'y a pas donc la période de grossesse et le sang qui coule et les vomissements, il n'y a rien. Au moment lui-même, le bébé sort, comme c'est dans le hadith sahih. Donc, ce qui concerne le verset qui prouve, c'est le verset que je venais de citer, où l'Azhar a dit, لَهُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ. Il y a dans le paradis tout ce que vous souhaitez. مَا تَشْتَهِي, ce que souhaitent vos âmes. Il y a dans le paradis. Cheikh Ibn Uthaymeen a dit, donc globalement, si une femme souhaite, puisque le verset dit qu'un homme et une femme ont tout ce qu'ils souhaitent. Donc si une femme souhaite qu'elle ait beaucoup d'hommes, elle les aura, Inch'Allah Ta'ala, et c'est pas quelque chose d'étonnant, parce que le paradis, c'est pas comme ici. Ici, si un homme sait que sa femme est avec un deuxième homme, il la tue et il tue l'homme. Mais là-bas, Allah enlève ces choses du cœur. Yani, ça lui paraît très normal. C'est comme s'il voit quelqu'un en train de manger du pain ou là, n'importe quoi. Ça lui paraît très normal. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Hamza tafadhal. Hamza, accentez. Mes chers, l'homme qui aime sa femme n'accepte pas que sa femme est un autre homme. Je suis dit, Naam, Nour. Toi, tu parles. Toi, tu parles, il t'est mis un jeune dité. Toi, tu parles de quelqu'un, tu parles, pardon, j'étais en train de dire. Tu parles, yani, en te basant sur ce qu'on ressent, nous. Naam, un homme n'accepte pas, etc. Mais ça, ici sur terre, au paradis, c'est autre chose. Avant de rentrer au paradis, il doit se laver dans une fontaine. Quand il va se laver, il va changer. C'est autre chose. Ce n'est pas quelqu'un qui ressent ce qu'on ressent maintenant. Au paradis, yani, ce n'est pas quelqu'un qui ressent ce qu'on ressent maintenant. Ce n'est pas la même chose. Non, voilà, il faudrait que tu comprennes que quand on rentre au paradis, tout va changer. Les sentiments qu'on a maintenant, on ne les aura pas. Ça veut dire qu'on ne sera pas jaloux, on ne sera pas comme ça. Elle dit premièrement. Deuxièmement, Allah Azza wa Jalla peut faire de sorte que la femme ou l'homme ne sait pas que la femme, que sa femme a un deuxième ou la troisième ou la quatrième. Il peut te faire oublier. Il peut te faire oublier au paradis de façon à ce que tu ne saches pas. Ou bien il peut faire dans ton cœur de façon à ce que tu acceptes. Allah Azza wa Jalla est capable de tout. Naam. Pas compris. Naam. Maintenant, il est ici 1h du matin. Je dois, inshallah ta'ala, m'arrêter. Naam. Subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.